Tu n'as pas dans votre contenu de mental, enfin franchement tu peux t'inscrire mais pour gagner tu sais c'est même pas la peine d'y penser, même pas la peine de dépenser tous tes milliers de billets en milliers de billets de concerts, pas la peine c'est déjà joué. Si tu veux gagner roule pas de mal entendu, il faut progresser, il faut s'entraîner dans la rue, s'entraîner sur des skins, s'entraîner sur des fachos, c'est comme ça que l'on gagne la coupe du monde de Pogo. Je vais chanter plus qu'on gagne comme ça. La coupe du monde de Pogo. C'est pas vrai, la coupe du monde de Pogo. C'est complètement fou ça. Comment il va le Bichente? Eh ça va bien et toi Mathilde? Eh ben ça va très bien, je t'entends pas beaucoup. C'était moi non plus, tu veux pas m'entendre aujourd'hui? Mais je sais pas, trop plus bas. Mais je t'ai mis un micro un peu bas peut-être, ouais. On va te monter un petit peu. À la place de faire tes blagues de merde, tu ferais bien le faire un boulot un peu. Ah d'accord, tout de suite on attaque comme ça quoi. C'est bon. Il est 10h41 pour être tout à fait précis, on est sur Radio No Culture et ce week-end c'est un week-end de derby, de roller derby. Exactement. Et encore une fois, on va passer le week-end avec 9 différents matchs qui vont commencer dans quelques minutes pour le premier. On va retrouver les Seagulls contre les Porcelain Dolls, alors les Porcelain Dolls de Limoges et les Seagulls de Bichente, où ça? Les Seagulls, alors il me semble que c'est La Rochelle et Sainte, ah, Sainte, exactement, ah, tu l'avais presque. Je savais qu'il n'y avait pas la mer dans la deuxième ville, mais j'ai oublié où c'était exactement. Mais je l'aurais trouvé. Si tu m'as laissé 2-3 jours, je l'avais. 2-3 jours. ça tombe bien parce qu'on sera là 2 jours. Exactement. Demain soir, on te retrouve demain soir aussi pour on me retrouve sur le premier et le dernier match. Week-end bien rempli pour ma part. Tu fais que l'ouverture et la clôture. Exactement. Roller derby, qu'est-ce que c'est le roller derby? C'est un sport qui se joue donc en équipe de 5 joueuses par équipe. Le but c'est très simple, tous les joueurs sont sur des patins roulettes, donc pas sur des rollers, sur des patins roulettes avec donc des quads comme on dit, avec 4 roues. Et le but c'est que dans chaque équipe il y en a une qui est la jameuse, celle qui a l'étoile sur le casque, qui doit dépasser les adversaires, les 4 bloqueuses de l'équipe adverse, et c'est pareil dans les deux camps. Donc c'est pas une fois une jameuse d'une équipe qui va et l'autre la fois d'après, c'est les deux jameuses de chaque équipe, enfin la jameuse de chaque équipe contre les 4 bloqueuses de chaque équipe en même temps. Donc voilà, on va commencer. Qu'est-ce que j'ai pas dit encore, Bichente? Il y aura 9 matchs. Oui, c'est la troisième étape du championnat. Qu'on avait commenté les deux premières à Mérignac. Exactement. Et c'est la dernière étape. Il n'y a pas encore beaucoup d'équipes de roller derby dans le coin. Donc, c'est des équipes qui sont assez éloignées. C'est pour ça qu'elles font généralement des gros week-ends comme ça avec 9 matchs. Ouais. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on se tape des gros week-ends roller derby. Après, c'est pas plus mal, ça fait une petite ambiance. Week-end roller derby entier comme ça, voilà, c'est pas mal. Hein. Ah, c'est vrai que moi j'aime bien. Bichette, le match vient de commencer à l'instant. Ouais. Non, pas encore, elle s'échauffe, je crois encore. Elle s'échauffe. Ah, je commence, je regarde donc. Il reste 1 minute 30 avant le début du premier match. On peut rappeler qu'on est à Anglette au gymnase de la Pignada. Ouais. Voilà, c'est une entrée à prix libre. Il y a un bar, il y a des talos pour midi. Il y a une bonne ambiance, tout ça. Surtout, n'hésitez pas à venir si vous êtes dans le coin. De toute façon, ce sera tout le week-end. 9 matchs, je rappelle. Ouais. Sur tout le week-end, donc il y a vraiment de quoi tenir à distance. Exactement. On a entendu, alors je sais pas si on a entendu à la radio, mais les Seagulls qui ont fait leur premier cri de guerre. Je l'ai pas entendu. Ah, mais elles ont fait leur premier cri de guerre. La mouette nous avait bien mis l'ambiance à Mérignac. Alors j'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins de monde qui a fait le déplacement parce que je pense que c'est un peu plus loin en Anglette que Mérignac, elles étaient très nombreuses à Mérignac et donc du coup. Ouais, parce que du coup les Seagulls, c'est une entente entre deux équipes, ouais. Donc Sainte et La Rochelle. Oui. Elles ont décidé de partir sur une thématique mouette. Mouette, exactement. Voilà. Et tout est fait autour de la mouette, le cri, les pancartes, les... Vous pouvez d'ailleurs retrouver leur story sur Instagram où elles ont une petite mascotte mouette qu'elles ont habillée en derby. Elles ont mis un petit casque et tout, c'est trop mignon. Et donc du coup, ça c'est rigolo. Donc voilà, elles ont même fait un petit cri de guerre mouette. C'est vrai qu'elles ont le casque mouette, j'ai oublié. Parce que voilà, oui. Normalement, on reconnaît la jameuse, donc elles ont des casques, elles ont des bonnets sur les casques pour reconnaître les joueuses. Et donc la jameuse a normalement une étoile sur le casque pour qu'on la reconnaisse. La Rochelle, elles ont décidé de faire quoi, une fiente de mouette. Ouais, en tout cas, ça y ressemble. Voilà, ça y ressemble à la place de l'étoile. Je pensais pas que ça serait accepté ce genre de truc, parce que généralement dans le sport, c'est quand même carré. Ouais. Mais là, je pense que bon, en vrai, tout le monde a compris qui c'était. Et oui, ça reste reconnaissable, donc on peut pas vraiment confondre. Donc bon, c'est toujours bien. Non, c'est marrant. C'est marrant. Moi j'aime bien. Oui. Donc les Seagulls qui sont en bleu. Contre ouais. Les Portsmouth qui jouent en gris. Exactement. Qui ont un maillot d'habitude, qui ont un maillot violet d'habitude, mais qui sont en double couleur. Je crois que toutes les équipes ont deux couleurs. Ouais, hein. Toutes les équipes ont deux couleurs au cas où. Ouais, au cas où on tombe sur la même couleur. Exactement, que, comme ça on va pouvoir, pouvoir changer. Exactement. Voilà, un petit pronostic, Vicente, pour ce match. Un petit pronostic. Bah, les Porcelain Dolls. Moi, je dirais aussi les Porcelain Dolls avec, ouais. Avec une petite avance, pas forcément une grosse avance. Sont je pas commence à m'y connaître un peu, je commence à connaître ça, les favoris. C'est un petit peu notre. Non, j'ai pas d'exemple de commentateur connu. C'est un petit peu notre Bichente Lissarasu. Oh, ferme hein. Ta gueule. Ah, je savais que t'allais l'aimer celle-là. Et oui. Bon, en tout cas, les deux équipes qui sont appelées sur le. Les Porcelain Dolls qui sont devant les Seagulls en tout cas pour l'instant en classement parce que voilà ça se joue pas ce n'est pas un tournoi, c'est un championnat, ça se joue au nombre de matchs gagnés et ouais. En cas d'égalité de matchs gagnés ça se joue que quand tu dis au goal average oui goal average ouais. Voilà donc c'est à dire le nombre de points marqués et encaissés. D'accord. Entre les équipes voilà les Porcelain Dolls sont devant pour l'instant, on rappelle que c'est tout dernier week-end normalement. À la fin du week-end, on devrait savoir plus ou moins qui c'est qui a gagné. Mais voilà, comme il y a toujours un petit calcul, généralement, le score vraiment officiel arrive que le lundi, voire le mardi, parfois, selon la disponibilité. Parce que bon, ça reste une fédération ouais. de bénévoles. Oui. Et donc, tout ça est organisé bénévolement. Donc, il faut leur laisser le temps aussi. On n'a pas des statisticiens qui calculent le nombre de passes à la seconde de chaque ouais. joueur. Je comprends pas, je trouve ça incroyable ça. Dans le foot, quand j'entends « Ah, ben ce joueur-là a touché la balle 3 minutes 27 au cours des 12 derniers mois », je trouve ça incroyable qu'il y ait ce genre de statistiques aussi ouais, possible pour chaque joueur. C'est quoi. Des ordis qui calculent. Hein. Ouais, mais quoi ouais. C'est une intelligence artificielle qui rare le match et qui calcule tout ça. Moi, et par exemple… Il y a des gens qui doivent rentrer les statistiques. Quoi. Moi, par exemple, je sais très bien que Lucifer passe à peu près 3 fois par mi-temps avec un jam de plus de 15 points, tu vois. Voilà, on va peut-être, ça va commencer dans quelques secondes, voilà, c'est la jameuse qui va marquer les points en dépassant, alors tous les joueuses jouent dans le même sens, donc c'est un ovale, et la jameuse va marquer un point à chaque fois qu'elle dépasse une adversaire, sachant que les adversaires n'ont pas le droit de trop s'éloigner entre elles, les bloqueuses, et que le premier tour ne compte pas, le premier tour compte... Pour prendre le lead, c'est-à-dire celle, la jameuse qui passe en premier a le pouvoir d'arrêter le jeu qui va au maximum sur 2 minutes. Elle l'arrête quand elle veut, ce qui donne un gros avantage sur le contrôle du jeu. Et donc c'est à chaque fois qu'elle dépasse une adversaire, ça fait 1 point. Donc à chaque fois qu'elle fait un tour, ça fait 4 points. Donc c'est pour ça qu'on peut monter très très vite à des gros scores. Même si voilà, on va rappeler quand même la stratégie de base, Pichente. Le boom track qui consiste donc à prendre le lead, faire premier tour, passer tous les adversaires une fois, comme ça elle prend le lead, elle prend le contrôle du jeu, aller passer une deuxième fois, mettre 4 points, et donc là arrêter le jeu avant que l'adversaire puisse mettre des points. Et ouais, c'est comme ça qu'elles vont engranger des points petit à petit, 4 points par 4 points. Mais si elles prennent le lead à chaque fois, ben c'est quasiment un match gagné, quoi. C'est quasiment assuré de gagner ce match. Et c'est la tactique préférée donc des Seagulls, parce que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Oh là là, il est fort, mais il est fort. Le match a commencé, mais c'était depuis petit minutes. Il y a eu un premier jam. Mais alors, c'est les Porcelain Dolls qui avaient le lead, mais j'ai pas vu, je pense qu'elles ont marqué 0 points, parce qu'il y a 0 points au tableau d'affichage. Ouais. Et c'est les Seagulls qui prennent le lead sur le. Ce deuxième jam. Voilà, avec Sexy Kamikaze donc pour jameuse pour les Seagulls qui prend le lead, qui généralement, enfin qui est peut-être la meilleure jameuse des Seagulls, je pense. Sexy Kamikaze, elle passe assez souvent. Et qui a marqué 4 points déjà, alors que c'est toujours pas passé. Alors que ça vient de passer à l'instant. Avec un star pass, ça consiste à passer son étoile à une autre joueuse, à la pivot. Exclusivement à la pivot, ça permet de déstabiliser l'adversaire. Voilà, on a le droit de le faire une fois par jam. On rappelle que le match est découpé en deux mi-temps de 30 minutes, mais chaque mi-temps est découpé elle-même en jam, ce qu'on appelle des jams, d'un maximum de 2 minutes. Exactement. Et c'est ces jams-là que les jammeuses vont pouvoir arrêter quand elles veulent. Et au total, donc deux fois 30 minutes. 5 joueuses sur le track, d'autres joueuses derrière qui viennent qui les remplacer à chaque jam, parce que c'est un sport quand même très très physique, qui utilise des muscles assez insoupçonnés. Je l'entends bien. Parce que alors, je rappelle qu'on est sur des patins en roulette. 8 pour l'instant pour les Seagulls, 8 points pour les Seagulls, c'est pour ce Handle, sont derrière pour l'instant. C'est une bataille dure. Hein. Alors que là, on voit que c'est très écarté pour les deux blocs et les deux. Ouais. Parce que les blocs des équipes, les deux équipes n'ont pas le droit de s'éloigner entre elles non plus. Les bloqueuses, il n'y a que les jammeuses qui ont le droit de voguer à leur guise. Mais les bloqueuses, toutes les bloqueuses des deux équipes n'ont pas le droit de trop s'éloigner entre elles. Et alors là, c'est passé, ça a pris le lead, donc pour... C'est Porcenos qui a pris le lead, je crois. Voilà, alors le nom, je n'arrive pas... Miss Yolona, peut-être. Je ne sais pas comment c'est. Oui, parce que voilà, elles ont ce qu'elles appellent Derby Name, des surnoms. Ouais. Et souvent, ces jeux de mots, c'est pas toujours facile, depuis que j'ai le jeu de mots à l'écrit, en tout cas. Souvent, c'est le jeu de mots à l'oral. Ouais. Donc à l'écrit, parfois, on galère un peu. Donc voilà, 4 points pour les Porcelain Dolls qui remontent un petit peu, 8 à 4. Voilà, on rappelle que généralement ça tourne, les jams tournent autour de 4 points, un peu moins, mais 8. Et plus rarement ça monte. Et les records qu'on a vus, c'est quoi? Ça montait presque à 30. Ouais. Presque à 30, donc, 28, j'en suis sûr. Ouais, 28, 30, c'est sûr. Je suis pas sûr d'avoir vu 30 en cette saison en tout cas. Mais ça peut arriver quoi, parfois. Et ça peut complètement renverser un match parfois. En faisant, bon, on l'a vu, c'est souvent ça qui fait la différence. Oui, hein, les matchs serrés. Les matchs serrés, s'il ouais, y a un petit peu un jam. 30 points d'avance d'un coup, paf, et prennent l'avantage, on va dire, psychologique. Une équipe prend l'avantage psychologique et derrière, c'est un peu plus dur de rattraper. On se souvient d'ailleurs des Valiant Beaches contre les Contrabandistas dans le derby qui avait. Qui était revenu grâce à un jam fleuve et qui de suite avait repris un écart conséquent à cause d'un de l'autre en face. De l'autre en face, donc ça change un match. Hein. Ouais, ça c'est vraiment des petits coups de poing, coups de massue quoi, les gros jams qui dépassent les 20 points. Ça fait un peu mal. Pour l'instant, on n'y est pas. 2 points sur ce jam pour les Porcelain Dolls, on est à 8 à 6. Ça fait 5 petites minutes que le match a commencé, 2 fois 30 minutes, je rappelle, et ça va être reparti pour un nouveau jam. On rappelle les Seagulls qui n'ont pas gagné un match, je crois, encore. Hein. Si, il me semble. Ils ont gagné un match, les Seagulls? Si, les Seagulls sont au classement, ils sont devant Tarbes, il me semble. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que Tarbes est dernière. Les Seagulls, il me semble qu'ils ont déjà gagné au moins un match. D'accord. Je n'ai pas envie de te dire deux bêtises. Je vais appeler les statisticiens qui vont me le dire. Peut-être. On se renseignera à la mi-temps. On se renseignera à la mi-temps. 8 à 6 pour l'instant, c'est les Seagulls qui sont devant, ça bataille pour faire passer la jammeuse. On rappelle aussi qu'il y a des prisons dans ce jeu, 30 secondes de prison pour la joueuse qui va commettre une faute. Il y a énormément de fautes possibles. Allez, les Porcelain Dolls qui prennent le lead, suivi tout de suite derrière par Sexy Kamikaze pour les Seagulls. Bon là, Sexy Kamikaze va pousser... c'est Sexy Kamikaze qui est juste derrière la jammeuse adverse qui a le lead, et donc elle l'oblige quelque part à arrêter le jam pour éviter de prendre des points. Ouais. Et donc elle oblige, elle pousse un petit peu derrière, si je puis dire comme ça. donc pas de points sur ce jam là. Voilà, les Seagulls qui n'ont pas pris non plus, mais bon, la jammeuse est sortie assez vite pour pouvoir éviter de prendre des points. Exactement. Pourquoi je suis là? Tu résumes tellement tout bien. Parce qu'il faut quelqu'un pour relancer. Tu oui, es magnifique ce matin. Mais parfois, tu sais, parfois, il y a des silences et je ne sais plus quoi dire. C'est vrai. Et heureusement, tu es là pour sortir une de tes belles métaphores. Tu penses que je suis là que pour ça, d'accord? Non, mais non, d'accord. Pas que pour je ça. Je connais mon rôle maintenant. Pas que pour ça, entre autres pour ça, j'ai dit. On est sur Radio No Culture depuis Anglette. Vous pouvez aussi suivre d'ailleurs ce match sur la chaîne YouTube des Valiant Beaches. C'est Roller Derby Côte Basque. Sur YouTube, et vous pourrez avoir le match sous les yeux en top qualité. Je ne sais pas, apparemment ça fluctue un petit peu. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Ça fluctue un petit peu, t'as un peu ta carte. Oui, je sais. Ça fluctue un peu, mais bon, c'est quand même une assez bonne qualité pour suivre le match. Et puis vous mettez radioculture.wordpress.com à côté pour suivre les commentaires de ce fabuleux Bichette et de moi-même. Et comme ça, vous aurez tout, vous installez tranquillou, vous allumez le vidéoprojecteur. Et c'est parti. Et c'est parti. Alors que on est à plus 4, je pense, pour les Porcelain Dolls, qui nous met à 10 à 8. Voilà, Porcelain Dolls qui passe devant. Oui. 10 pour les Porcelain Dolls, 8 pour les Seagulls. J'ai remarqué un petit détail, c'est que en arbitre, on a une joueuse qu'on avait vue de Mérignac. Alors on a knockout. Alors je pense qui était blessé lors de la dernière étape. Elle s'était blessée sur la première étape. Elle était blessée lors de la seconde. Je lui ai demandé, elle avait la même blessure. Qui était Qu'il doit être encore. Qui était la, comme on a dit, la, la destructrice de monde. Ah oui, qui aimait bien envoyer valdinguer les. Voilà, l'idée c'est que les bloqueuses vont bloquer donc la jammer adverse pour éviter de passer. Knockout, non, le mur ne l'arrêtait absolument pas. Absolument pas. Elle arrivait, et c'est une très grande joueuse, elle arrivait, elle cassait le mur et elle passait après. Malheureusement, sa première étape elle s'était blessée, deuxième étape elle ne jouait pas et donc là elle est arbitre. Exactement. Donc voilà, on la retrouve au moins elle peut participer un petit peu. Oui. Parce que bon, elle était pas bien la dernière fois, elle était quand même assez dépitée de pas pouvoir jouer. Oui. Et c'est vrai que c'est dommage parce que bon, c'est quand même ça se fait seulement sur 3 week-ends, donc un week-end de loupé, c'est 2, parfois 3 matchs de loupé. Oui. Et donc apparemment toujours pas apte à jouer, c'est dommage. C'est dommage pour elle et pour son équipe. Mais pour l'instant, on va revenir sur Porcelain Dolls et Seagulls. Ouais. Pour prendre le lead, et c'est les Porcelain Dolls qui vont. Qui prennent le lead, suivi derrière. Alors, qui marque 4 points en fait. Il y avait déjà le. Ouais, et puis elle colle, on n'a pas besoin de se fatiguer à essayer de faire un tour donc derrière. On est sur un boom track. Ouais, les Seagulls étaient juste derrière. Et les Seagulls étaient passés, c'est pour ça que de toute façon, ils n'ont pas pris le risque. On est à 8, hein, 8 sur ce. Non, on n'est pas sur le boom track, on est à 8 sur ce jam. Les Porcelain Dolls qui prennent doucement de l'avance, 18 à 8. Voilà, 12 points, 8 points, pardon, c'est pas. 10 points. 10 points, voilà. C'est juste, premier match, hein, premier match, c'est déjà compliqué. Ça va, je vais écouter le dernier match ce soir, je pense. Hein, je vais rigoler. Je te cache pas que je suis un peu fatigué déjà. Voilà, 10 points, c'est vite rattrapable quand même. Ouais. Et on rappelle que on va dire l'autre technique, c'est quand même aussi. On parlait du boom track, qui est quand même la technique fétiche de à peu près toutes les équipes, celle qui assure un petit peu, celle qui joue la sécurité. Mais en fait, tant que si on met 4 points et que l'autre joueuse n'est toujours pas sortie, n'a toujours pas fait son premier passage, et bien là on continue parce qu'il y a encore un tour entier de marge, donc ça ne sert à rien de s'arrêter là. Exactement. Donc c'est seulement si l'autre équipe est sortie aussi. Mais pour comprendre bien les tactiques, n'hésitez pas à venir voir ça en direct. C'est ça. Au stadium de la Piñada d'Anglette. Je ne sais pas si on dit stadium d'ailleurs, au gymnase. Au stadium, gymnase. Ça fait un petit peu. C'est parce qu'à Amérique, c'était le stadium, le roller stadium. Roller stadium, qui est vraiment consacré à tout ce qui était roller derby, etc. Il y a un petit côté. Ça me fait un peu classe. Stadium, ça fait. Mais tout de suite, on est dans un grand truc aussi. Il y a Queen qui va jouer, quoi. Ouais, c'est tout ça. Tout de suite, il y a Queen qui va jouer. Exactement. Mais là, non, il n'y a pas Queen, pas pour l'instant, en tout cas. Peut-être qu'à un moment donné, il y aura un petit peu de musique dans les gradins qui vont mettre du Queen. Mais pour l'instant, c'est un petit match de roller derby, tranquillou. Exactement. Deux bons matins pour commencer. Les Seagulls face aux Porcelain Dolls, c'est Porcelain Dolls qui ont mis 2 points de plus sur ce dernier jam, 20 points à 8. 8. Pour l'instant, l'écart se creuse, mais rien de dramatique pour l'instant. Rien de rédhibitoire. Ouais, on rappelle que les Seagulls avaient l'avantage au début, 8 à 0, je crois, ou 8 à 4. Ouais. 8 à 4, on est sûr, mais 8 à 0, même, il me semble, au début du match. Donc ça peut s'inverser. Après, attention, peut-être qu'ils ont bien commencé et que les Porcelain Dolls ont mis un peu de temps à se réveiller. Alors, assez peu de temps, hein, parfois ça met plus de temps que ça pour certaines équipes pour se réveiller. Oui, oui. Et là, ils mettent carrément toute la mi-temps à se réveiller. Oui, donc, oui. On se rappelle des. C'était qui la dernière fois? Les Harpy Brakus contre le Sambé, je crois. Ouais. Où le Sambé avait. Était en avance. Et toi, t'étais pas là, t'avais loupé ça. J'avais vu la deuxième mi-temps, du coup. T'as vu la deuxième mi-temps, voilà. Le Sambé qui était devant tout le match. Je commentais pas, mais. Qui petit à petit avait pris un écart conséquent. Et à la toute fin, mais vraiment sur les deux derniers jams. C'était les Harpy Brakus avaient arraché 30 points ou 40 points en deux jams et avaient fini par gagner. C'était incroyable. C'était absolument incroyable. Il n'y avait pas eu le jam. Il n'y avait pas eu prolongation avec un dernier jam. Est-ce qu'il n'y avait pas eu une égalité, quelque chose comme ça? Il y avait une égalité, tout dernier match, il y avait une égalité. Et à partir de là, les arbitres avaient décidé de laisser 2 minutes sans possibilité d'arrêter le jam pour engranger des points. Ouais. Et là, c'est le maximum de passages qui compte. C'est ça. Et là, les joueuses des Harpy Brakus avaient un peu cassé la baraque. Elles avaient gagné vraiment sur les tout derniers jams en se faisant mener pendant tout le match. Quoi. C'était incroyable. Avec Lucifer. Avec Lucifer, effectivement. Voilà. Mais vraiment, elles avaient rattrapé, je crois, 30 points. C'était incroyable. 30 points sur les deux derniers jams. Et c'était incroyable. Pour l'instant, on est reparti. Qu'est-ce qui est passé? Est-ce que la jammeuse qui est passée et qui a arrêté le jam, est-ce qu'elle a mis des points? Lui, les Seagulls qui ont mis 2 points et qui reviennent à 10 points des Porcelain Dolls, donc avec 20 à 10. Et il reste 19 minutes 45 secondes dans cette première mi-temps. Exactement. Il est 10h59. Exactement. On est d'une précision aujourd'hui. Ouais. On est dans la précision. De toute façon, ici à Radio de Culture, précision, précision, précision. Il n'y a pas d'approximation, c'est jamais de je crois que. Non. C'est toujours des faits. C'est sûr. 20 à 10, les Porcelain Dolls sont devant. Il reste un peu plus de 19 minutes sur ce match. et sa bataille sec. Hein. Voilà, on rappelle que les jammers doivent faire un premier passage pour voir qui est-ce qui va prendre le lead, qui est-ce qui va prendre le contrôle du jam. Et c'est les Porcelain Dolls qui passent. Exactement. Voilà, premier passage, elles ne mettent pas de points. Elles prennent seulement le lead. Je et dis seulement le lead, mais c'est plus important. Stellaire, ouais. Ah oui, Stellaire, d'accord. Okay. Ah bah, bon. Et oui, du coup, oui. Comme on le disait, voilà, parce que c'est un R. C'est oui. le R de Stellaire est seulement un R majuscule. Alors parfois, c'est vrai que c'est pas toujours. Toujours facile à lire. Il faut l'avoir. Stellaire qui a fait son premier passage, qui a fait 4 qui marque 4 points, donc voilà. Pas 4 points, pardon. Ouais. Et enfin, c'est Xikamomi qui a toujours pas passé ça. Qui a du mal, qui force et qui fait un passage en star pass, il me semble. Ou alors, un faux star pass. Elle peut enlever son bonnet pour le passer à sa coéquipière, mais elle peut aussi le garder et faire simplement perturber, quoi. Elle peut simplement perturber les adversaires. Et là, tenter le star pass, ça n'a pas marché, elle a gardé et elle est passée. Entre temps, son adversaire a réussi à mettre 3 points de plus. Ce qui amène le score à 27 à 10. C'est ça, 7 points sur ce jam, 27 donc pour les Porcelain Dolls, 0 pour les Seagulls sur ce jam, 0 sur ce jam, 10 pour les Seagulls en tout. Voilà, ça se découpe par jam, hein, je rappelle, 2 minutes maximum. Et c'est la jammeuse qui passe en premier, qui peut arrêter le jam quand elle veut. Ça lui donne donc un énorme avantage de pouvoir simplement passer, mettre des points et arrêter le jam avant que son adversaire soit au même stade qu'elle. 27 à 10, c'est reparti. Bobsleigh pour les Seagulls. Miss Yolona, je vais dire Miss Yolona, même si je ne suis pas complètement sûr que ce soit ça. Miss Yolona pour les Porcelain Dolls, ça c'est le nom des jammeuses. Et elles se font recycler, les deux, et c'est passé pour. C'est Miss Yolona. Miss Yolona qui est passé, qui prend le jam. Voilà, on rappelle qu'on est sur un track, c'est-à-dire quelque chose d'ovale. Avec interdiction pour les joueuses de rentrer à l'intérieur ou sortir à l'extérieur. Et quand les jammeuses se font sortir du track, elles doivent revenir derrière toutes les bloqueuses, donc ça va faire perdre du temps, etc. C'est ce qu'on appelle le recyclage. Miss Yolona qui passe, qui met quoi, 3 points, 4 points. Et qui colle, hein. 4 points, qui colle directement derrière parce qu'elle avait vu son adversaire arriver. Exactement. Et donc du coup qui marque 8 points, hein, et qui ramène le score à 35 à 10 et qui commence à faire un petit peu d'écart. Hein, là, 25 points, c'est beaucoup moins rattrapable dans un seul jam déjà. Exactement. Ça peut arriver, mais c'est rare. Surtout quand on connaît, je veux dire 25 points quand on est une grosse équipe du championnat, les Seagulls c'est pas la plus grosse équipe championnat, on a du mal à imaginer réussir à faire un jam de 30 points face aux Porcelain Dolls. C'est assez improbable, les Porcelain Dolls sont mieux classés. On rappelle que les Seagulls c'est une entente et qu'en plus c'est deux villes assez lointaines, je crois une heure ou une heure et demie de route entre les deux. Ouais, une heure, ouais. Donc j'imagine moins d'occasions de s'entraîner ensemble. Exactement. Donc voilà, c'est un peu plus difficile pour les Seagulls. Et il me semble qu'en plus c'est quand même une entente assez récente. Il me semble que c'est pour cette saison qu'ils se sont... qu'elles ont formé cette entente, donc c'est quand même assez récent, des joueuses qui commencent à se connaître. Ouais. Mais c'est moins facile que pour celles en face qui s'entraînent ensemble chaque semaine. Et donc on a vu les Porcelain Dolls donc avec Lagan, il me semble, en jammeuse qui est passé et qui a marqué un point et qui a collé juste derrière parce qu'il y avait l'arrivée donc de la jammeuse des Seagulls. Ouais. Donc un point de plus, 36 à 10, et on est reparti pour un nouveau jam. Alors il y a eu une. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a une petite pause. Ça a commencé et ça a arrêté. Official timeout. Il me semble que ça veut dire que c'est les arbitres qui mettent une pause pour revoir. Ça arrive souvent. Hein, c'est des petites règles des points de vue sur les règles parfois parce que il y a énormément de règles roller derby et que parfois tout n'est pas forcément applicable. Exactement. Et donc on se remet parfois. On se remet à jour, quoi. Et donc voilà, ça dure pour les officiels, j'allais dire. Pour les arbitres, c'est illimité. Quand c'est les équipes qui demandent un temps mort, c'est une minute. Une minute pour les équipes. Les arbitres, par contre, peuvent prendre le temps qu'ils veulent parce que tout le temps, c'est eux les chefs. C'est les chefs. Bah, c'est comme moi à la radio. Ouais. Bah, oui, c'est toi le chef. Oui, c'est vrai. Ou Seb. Enfin, apparemment, Seb, ces derniers temps, qui a envie de chefer. Qui a envie de chefer, écoute, je vais laisser chefer. Oui, il fait ça bien chefer. Après. Est-ce qu'il nous écoute, Seb, est-ce que si tu nous écoutes, t'as quand même envoyé un petit « Oh, dis donc, oh, Michel, qu'est-ce que c'est ce langage ?» Oui, j'avais envie langage de... langage châtié, là. Il a dragué ma sœur. alors bon. Si tu nous écoutes, Seb, envoie un petit message, un petit coucou. Seb qui sera là après, d'ailleurs, le match suivant, il va le faire avec moi. Un nouveau jam qui est parti donc après la pause, c'est Machine. Les Porcelain Dolls qui prend le lead et qui va tenter donc de passer, qui arrive à beaucoup de vitesse, ouais. Mais ça passe pour la jammeuse des Seagulls. Sexy Kamikaze qui passe. Et ça va tenter un boom track peut-être. C'est très peu de temps pour Machine, elle passe pas. Ça va coller. Est-ce qu'elle a mis des points? Elle a mis 2 points, je pense. 3 points, 0 pour les Seagulls. Exactement. Ce qui nous fait un chiffre rond. Et ça ne serait pas un proto? Est-ce que c'était un proto? Un proto. Voilà. Un proto, qu'est-ce que c'est? C'est un boom track un peu avorté. Un peu avorté marque 3 points. Voilà, on n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au 4 parce que la jammeuse adverse arrivait. Donc on préfère arrêter le jam avant que la jammeuse adverse puisse inscrire ses points. Voilà, ça aussi par exemple, ça aussi c'est quelque chose qu'on voit assez souvent, c'est à quel moment est-ce qu'on arrête le jam, ouais. Est-ce que c'est quand on le voit, est-ce que entre le moment où on le voit et le moment où c'est sifflé, il y a forcément un petit décalage d'une seconde, est-ce que les points qui ont été passés comptent ou pas? Ça c'est, souvent c'est des points qui sont discutés entre les arbitres, parce que parfois ça se joue vraiment pas grand chose. Et là, c'est les Seagulls qui ont pris le lead avec bobsleigh, une fois n'est pas coutume. Donc ouais. Du coup, ça a du mal à passer pour Stellaire. Donc bobsleigh qui va essayer de marquer quelques points. Stellaire qui essaie de faire un star pass. Est-ce qu'elle a passé? Est-ce que c'est toujours Stellaire qui a l'étoile? Stellaire qui a l'étoile. Qui va en prison. Ah. Stellaire. Donc on est sur un power jam. Qu'est-ce que c'est un power jam? Power jam, c'est quand une des deux jammeuses est en prison, l'équipe adverse se retrouve en power jam. Donc il y a une jammeuse toute seule sur le track, ouais. Et donc qui a tout le loisir de marquer autant de points qu'elle le désire. Parce que son équipe n'est plus perturbée par la jammeuse adverse, donc elle a toute la latitude pour aider sa coéquipière à passer. Exactement. Voilà, on voit d'ailleurs, en plus de la jammeuse grise, il y a aussi une bloqueuse qui est en prison, une bloqueuse aussi du côté des Seagulls. Sa bataille dure pour essayer de passer. Elle a combien? 8 points déjà pour les Seagulls. Exactement. Voilà, 30 points. Il y avait 30 points d'écart avant le début de ce jam. Est-ce qu'elle va passer pour Stellaire et ça va peut-être coller, hein. Ouais. Alors qu'on voit. Attends, quoi? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Normalement, elle n'est pas censée pouvoir coller puisqu'elle était en prison. Non, c'est bobsleigh qui a collé. Ah, c'est bobsleigh qui a collé. Oui. Parce que j'ai vu Stellaire faire le geste. Ah. Je trouve ça bizarre. Non, c'est Stellaire. Et par contre, bobsleigh qui a collé. Et alors, je sais pas. On m'a toujours dit qu'il fallait coller en faisant un geste de se toucher les hanches avec les mains. C'est ça. C'est une espèce de. Mais alors, j'ai l'impression que elle fait la hanche et la tête. Ah, ben c'est parce que je crois qu'on montre les hanches de façon plus ou moins ample selon les joueuses. Et donc parfois, en fait, normalement, j'imagine que la règle c'est de quand même de lever assez les bras pour que l'arbitre le voit. Et donc peut-être qu'ils se disent, ben, en levant les bras, comme on est un peu fatigué, on n'a pas tendance à tendre les bras. Donc, eh ben, ça fait un mouvement circulaire entre les hanches et la tête. Voilà. Alors, Mathilde me fait des grands gestes à côté. Alors, c'est de la radio, Mathilde. Je fais un petit cours de personne, la tête. Personne ne te voit. Je sais, c'est pour m'aider. Que quand je parle, je fais le geste en même temps. Comme ça, je me dis, tiens, comment ça marche. J'essaie de tester ma théorie en temps que je la raconte. Je comprends. Moi aussi, je fais plein de gestes quand je commente, en fait. Je me rends compte. Des fois, je te tape l'épaule. Les Seagulls qui ont mis 11 points. C'est pas mal du tout sur ce dernier jam, ce qui ramène le score à 40 à 21. Toujours les Porcelain Dolls devant. Voilà, on passe de 30 points à 19 points d'écart, c'est vraiment pas mal. Ouais. Et c'est les Porcelain Dolls qui prennent le lead par contre sur ce jam. Et juste derrière, donc les Seagulls qui est même pas un demi-track. Je pense qu'il y aura un point pour les Porcelain Dolls. Ouais, la joueuse Porcelain Dolls qui est passée et qui a collé un peu tôt peut-être. Je trouvais qu'elle a peut-être encore une seconde de plus, elle aurait peut-être mis un peu plus de points. Je n'arrive pas à voir d'ici combien de points ont engrangé les Porcelain Dolls. Je pense, j'ai compté 1. Si j'étais arbitre, je dirais 1. Une seconde après, je pense qu'il aurait pu avoir 2, 3, peut-être 4. Ah, 2 points. 2 points, 2 points, voilà. Ouais. Ah ben voilà, c'est parce que pourquoi je suis pas arbitre. C'est parce que l'arbitre qui suit la jammeuse, quoi, il y a un arbitre par jammeuse, a pas bien vu ce qui se passait, donc il peut aller voir les autres arbitres pour avoir leur point de vue, pour être sûr de pas faire de bêtises, donc 2 points. Sexy Kamikaze pour les Seagulls qui prend le lead assez vite. Exactement. Sur ce nouveau jam, la gaine qui est toujours bloquée, Sexy Kamikaze qui va essayer de mettre ses 4 premiers points. Ça a essayé de passer en force, alors que c'est passé avec un star pass de côté, un faux star pass. C'est toujours la gaine et qui a fait un magnifique tour sur elle-même. 360 tout en roulant droit, ouais. C'est quand même incroyable. C'est magnifique. C'est magnifique. On sait qu'on voit la dextérité des joueuses sur ce, sur ce track. Sexy Kamikaze qui avait finalement réussi à passer et qui voyant son adversaire arriver vers les bloqueuses, a décidé d'arrêter le jump pour marquer 4 points. Exactement, alors qu'on voit les track monkey devant nous. Les monkey track. Qu'est-ce que c'est les monkey track? Voilà, en fait, le track est délimité par une corde voilà, qu'on scotche. L'idée, c'est que les joueuses qui sont en patin puissent, quand elles passent dessus, le sentent. Et donc, évidemment, quand elles passent dessus, parfois elles arrachent le scotch. Et donc, il y a quelqu'un qu'on appelle le monkey track, la monkey track, dans le cas échéant, qui va venir rescotcher un petit peu tout ça pour que ça reste un petit peu propre quand même. Quoi. Exactement. Là, on n'est pas chez les. Je sais pas. Chez les. Finis ta phrase, je vais pas t'aider sur ce coup-là. On n'est pas chez les sauvages, c'est bien sauvage, ça va ? Sauvage, oui. Ouais. Bah après, pour mouler mon kitrack. On n'est pas chez les gens qui ne respectent pas le scotch. nouveau jump a commencé, c'est Machine qui a pris le lead et qui a marqué 4 points déjà. Exactement, mais pour l'instant, vu que son adversaire n'a toujours pas fait son premier passage, elle continue, elle va essayer de marquer 8 points en face. Et ça va passer facile intérieur. Ah non, c'est non, sorti. Non, ça se fait recycler. De justesse, mais c'est ouais, ça se fait recycler. Je pense qu'il y a eu un petit patin qui est sorti, et là ça passe par contre. Ça passe, donc 8 points. 8 points. On rappelle que si elle se fait recycler après avoir passé par exemple deux joueuses adverses, les deux points sont comptés, mais il faut quand même qu'elles reviennent derrière ces deux joueuses-là pour repasser, et deux joueuses ont quand même le droit de la bloquer. Donc là on est à quoi, 8 à 0 pour les Porcelain Dolls, peut-être 12. Oula, très très joli. Voilà, je n'ai pas vu, mais... C'était un sacré coup. Mais il y avait une joueuse qui bloquait Machine assez de façon assez professionnelle, on va dire. Et puis il y a une coéquipière de Machine qui est venue là défoncer. Exactement. Voilà, elle a fait un beau vol de 2 mètres. Gros coup d'épaule. Elle a fait un beau vol et donc ça a laissé la place à Machine de passer. Machine qui est en train d'engranger un paquet de points. On est à 16 pour l'instant. Là ça va chiffrer. Hein. Ouais. Là ça y est, Momo a réussi à passer avec un star pass de l'autre côté. Mais trop tard, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, elle colle. Elle a pris quoi, 20 points? Aïe, 20 points, ça fait mal. Elles avaient déjà quoi, 30 points d'avance, quelque chose comme ça, à peu près 30 points d'avance, 20 points de plus. 62 à 25, ce qui nous fait, beaucoup de points. 25 et 12, 37 points d'écart. 37 points d'écart, d'accord. Ouais. Donc il y avait déjà 17 points d'écart, selon le calcul. Ça fait un peu mal. Ouais. 62 à 25, ça y est, les Porcelain Dolls à 8 minutes de la fin de cette première mi-temps. Non, 7 minutes 57, Matine. c'est reparti pour un nouveau jam. ça va bloquer un petit peu. Alors, nous avons Dolly Parton du côté des Seagulls et Stellaire du côté des Porcelain Dolls. Les Porcelain Dolls de Limoges, évidemment. Les Seagulls, c'est Saint Dolly et La Rochelle. Parchoc. Allez, ça passe pas, ça bloque des côtés, personne ne passe. Ça y est. Qui a pris un coup dans la lèvre. Hein. Ouais. On l'a vu pile devant nous. Stellaire pour les Porcelain Dolls qui regarde si elles ne saignent pas. Parce que c'est un sport en contact. Hein, on peut mettre des coups, on n'a pas le droit d'utiliser ses bras. C'est absolument interdit. Ouais. D'ailleurs, les joueuses vont souvent en prison à cause de ça. Ouais. Mais les épaules et les hanches, ça c'est tout à fait légal. D'ailleurs, c'est la seule façon de jouer roller derby. Oui. Stellaire qui met ses 4 premiers points, qui continue parce qu'en face Dolly Parchok n'est toujours pas passé, n'a toujours pas fait son passage initial. Alors qu'on voit que Stellaire n'a plus ses dents. Hein. À chaque tour, elle se touche les. Elle se touche la lèvre. Voilà, ouais. 8 points. Aïe. Est-ce qu'elle saigne? Qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air d'avoir un peu mal quand même. Elle a quand même continué à jouer. Oui. On est donc 8 points de plus pour les Porcelain Dolls, 70 à 25, elles prennent l'avance. Hein. Et c'est ça, ce qui nous fait à peu près, je dirais, 45 points d'avance, comme ça, Mathilde, non? Oui, à 6 minutes 25, à 26, pardon, 6 minutes 26, aïe, je me flagellais après pour avoir fait une erreur aussi vulgaire. Dramatique, 6 minutes 26 sur, il reste 6 minutes 26 sur cette première mi-temps, ensuite il y aura une petite pause de 15 minutes, et puis la deuxième mi-temps, encore une fois, 30 minutes découpées en jam de 2 minutes, grand maximum. Exactement. Les Seagulls de Saint-Étienne-La Rochelle ont 25 points contre les Porcelain Dolls. De Limoges qui ont elle 70 points. Oui. Bon, et je crois que ça va bientôt reprendre. Alors peut-être on peut dire que comparé à Mérignac, pour le commentaire, on est un peu moins haut. Donc on a... mais on est plus près. On est plus près. Et donc du coup, sur les débuts de Jam, c'est vrai qu'on aura un peu moins de détails. Mais par contre, quand ils sont pile devant nous, alors là, on voit beaucoup mieux. Et on n'a pas de poteau non plus. On n'a pas de poteau. Voilà. On a une vitre qui nous protège des éventuels jets de dents ou de sang. Exactement. Non, on exagère un peu. C'est pas... si on se prend en contact, certes, c'est pas si violent. Même si, bon, il peut y avoir quand même des blessures. C'est violent. Finalement, c'est violent. Mais c'est pas... on est quand même... on n'est pas au niveau du rugby, qui est quand même un peu plus violent. Quelqu'un qui s'est cassé le tibia péroné, il me semble. C'est vrai. Pas non plus. C'est vrai. Bon, je connais quelqu'un qui s'est cassé la cheville aussi. Qui ça? Une certaine la sueur. D'accord. C'était cassé la cheville. Alors, ça, on peut se faire mal, hein. On va pas dire que c'est pas vrai. Oui. Mais c'est quand même, voilà, on a pas des grosses effusions de sang, c'est quand même assez rare aussi. Oh. Et ne vous inquiétez pas, il y a des médics, comme ils disent, je sais pas le niveau de qualification pour être médic. Médic, il faut être. Qui sont là, infirmier, infirmière. Vétérinaire, je pense. Vétérinaire. Au moins pour les monkey track. Ah là là, il est fort. Non, alors, vous inquiétez pas, tout le monde sera pris en charge. Et les Porcelain Dolls qui marquent encore 4 points hein, sur ce jam, qui ont fait un boom track, comme on appelle ça. Donc, c'est le terme officiel. C'est le terme officiel, voilà, 74 à 25, quasiment 50 points d'avance. Ça commence à piquer un peu pour les Seagulls. Ouais, un peu plus de 5 minutes avant la fin de ce match. Ouais, 5 minutes 31. Alors que la sueur arrive près de nous. Ça va, la sueur? Ta cheville, ça va? Apparemment, tu te la casses très souvent. En préparation. En préparation de quoi? De la journée pour accueillir tout le monde et du match de ce soir, évidemment. Et parce que c'est les Valiantes qui organisent ce soir. La Sueur est une joueuse des Valiantes. Et donc, celle qui organise toute la journée. Et donc, vous avez un match ce soir contre l'Air Pibraqueuse, Pibrac. Tout à fait. Comment tu le sens, ce petit match ce soir? Ah bah, ça va être sportif vu le niveau de Pibrac. Mais comme d'habitude, on va faire de notre mieux pour que ce soit un beau match et faire de belles actions. Bon. Il me semble que c'est les premières, non? Les premières du classement. Pour l'instant, vous êtes troisième à égalité avec Bayonne, je crois, c'est ça? Est-ce que tu as en tête? On est devant Bayonne au nombre de points, mais en nombre de victoires, on est à égalité. C'est ça, donc un match un peu difficile ce soir, et il y a tout l'orgue en plus à gérer. Bonsoir, merci la sueur. Alors moi, je ne sais pas pour qui je vais pouvoir être dans ce match qui oppose mon équipe préférée à ma joueuse préférée. Voilà. Est-ce que tu vas écouter en direct sur Radio Noculture? C'est possible, alors je vais rien promettre parce que il faut que je me couche tôt. Mais c'est ce soir, c'est à quelle heure à quelle heure est-ce que c'est ce soir? Je regarde. Je crois que c'est le dernier match. C'est le dernier match, 18h45. Non, c'est plus tard, c'est 20h. 20h quelque chose. Ah, bah, oui, c'est vrai, c'est le dimanche. Il y a 5 matchs dans la journée, ça fait beaucoup. C'est 19h45. C'est pas si tard. Attends, la dernière fois à Mérignac, il y avait des matchs commencés à 8h30 ou 9h comme ça, je crois. Ah, il y avait des matchs assez tard. Eh bien. Je vais voir. On profitait d'avoir la sueur, parce qu'il y avait une petite pause, les arbitres se remettaient en question eux-mêmes. C'est beau de voir ça. Et c'est reparti là, la gaine des Porcelain Dolls qui est devant, juste devant Bobsley, qui a tenté un boom track, ou en tout cas de rentrer dans le tas et de coller derrière. Exactement. Est-ce qu'elle a mis des points? Je pense pas. À ton avis? Non. Non, la sueur nous fait signe que non. Non, effectivement. La sueur n'a pas la science infuse. Hein. Et donc on est reparti, donc 74 à 25, nouveau jam, match assez déséquilibré, on passe le cachet entre les Porcelain Dolls et les Seagulls. Ça commençait pas mal, les Seagulls avaient bien commencé à engranger, c'était celle qui a commencé à engranger les points. Là ça commence à se déséquilibrer, on est pas loin, on est à 49 points d'écart. Exactement. 74 à 25, les Porcelain Dolls qui reprennent le lead d'ailleurs sur ce nouveau jam, au bout de combien, quelques secondes, une petite dizaine de secondes. Oui. En face, Dolly Parchoc a un peu de mal à passer. Ça défend bien du côté des Porcelain Dolls. Et donc, là, ça bloque bien. Ça bloque bien des deux côtés. Voilà. Chocobomb du côté Porcelain Dolls est passé la première fois, donc elle a pris le lead, mais elle ne passe pas. Elle n'a pas commis de points. Alors que Dolly Parchoc, ça y est, vient de faire son premier passage, donc elle va arriver au même point que son adversaire. Est-ce que son adversaire va coller? Oui, elle a collé. Pense. Ah, il me semble qu'elle a pris un petit pet. Un petit pet sur l'œil ou quelque chose comme ça. Elle se grattait les yeux. Je t'avoue que je ne vois absolument pas. Et non, parce qu'il y a. Je suis dans l'angle mort. Il y a Justine Bierberg qui nous qui nous gagne. Ah, c'est Duchesse, ça y est. Ah, c'est officiel. Alors, okay, Justin Bieber qui a changé de dernier name, qui est maintenant Duchesse. Qui nous l'avait annoncé lors de la première étape. C'était la dernière fois, je me souviens plus. Non, c'est la première étape. C'était la première étape. Il avait dit qu'il y avait un projet de changement et puis donc maintenant le changement est acté, très bien. Donc est à côté de nous, voilà, on a la sueur d'un côté, Duchesse. De l'autre côté, nos deux joueuses des Valiantes qui viennent parfois speaker avec nous d'ailleurs, commenter avec nous. C'est vrai. Et donc, c'est passé, ça a pris le lead pour les Porcelain Dolls. Ouais, mais Bob's Leg derrière Pussy Gold, c'est vraiment juste. Enfin, elle, ouais. derrière, elle passe, colle, voilà, hein. passe à côté, elle oblige son adversaire à faire appel, à arrêter le jam. Exactement. 77 à 25, c'est les Porcelain Dolls qui sont devant. Oui. Il reste moins de 3 minutes sur cette première mi-temps. Bon, les Porcelain Dolls vont être devant. Exactement. À moins que vraiment il se passe une énorme dinguerie, mais j'y crois moyen. Non, je pense pas là. Alors, il reste 2 minutes 30. On va arriver sur les derniers jams de cette première mi-temps. Et c'est reparti sa bataille. Et c'est passé pour les Porcelain Dolls qui ont pris le lead avec Machine et Dolly Parshock donc qui est derrière qui bataille qui passe pas dans le trafic non et qui va non et qui se fait recycler donc Machine qui se fait recycler Dolly Parshock qui ne passe toujours pas et Machine qui passe et, Machine, et voilà, qui Machine remarque qui... 4 points. C'est toujours pas passé pour Dolly Parshock et les Seagulls. Il n'a pas marqué son premier passage. Donc le premier passage qui ne donne pas de points en plus. Donc voilà, 4 points pour les Porcelain Dolls. Ça va tenter de mettre ses 8 points. Exactement. Dolly Parshock, non, ça passe pas. Ça passe pas pour Dolly Parshock. Ouh là là, Machine qui casse quand même bien les bloqueuses adverses. Un peu trop puisqu'elle va en prison. Et donc, on est en Power Jam. On est en Power Jam pour Dolly Parshock. Mais je rappelle que comme c'est Machine, celle qui va en prison qui avait le lead, elle perd le lead, mais il n'est pas récupéré par équipe adverse. Plus personne n'a le lead, on ira au bout des 2 minutes. Exactement, donc là ça va être un jump fatigant, surtout Dolly Parshock n'a toujours pas fait son passage initial. Ouais, et qui bataille encore, hein. Qui bataille encore dans le tripod adverse. Elles sont en power jam, mais malheureusement je pense que ça va pas beaucoup les aider parce qu'en face ça défend bien. À moins que ça passe, hein, il reste encore 40 secondes dans ce, ouais, dans ce jam. Ça défend bien, mais ça finit par passer. Ça finit par passer. Et je pense qu'il reste plus grand, il reste plus beaucoup de temps. Je crois qu'il me semble que la jammeuse des Porcelain Dolls est revenue sur le track. Voilà, exactement. Elle met 8 points, elle ne peut pas coller. On rappelle qu'elle a perdu le lead, donc elle ne peut pas coller. On est à 8 du côté Porcelain Dolls, alors que Dolly Parshock essaye de mettre ses 4 points. Mais il a l'air exténué. Ouais, c'est long, hein, c'est long. C'est long, et en plus, c'est très très bien fait de bloquer. Ouais. Et donc, c'est là où en plus, elle donc vraiment bataille, fatigue. Elle bataille. Imaginez-vous sur des patins roulettes à essayer de passer d'autres joueuses en face qui vous empêchent. Ouais. Donc, c'est extrêmement fatigant. Et c'est fini pour ce jam. 12 points pour le Porcelain Dolls. Pour les Porcelain Dolls. Malgré une prison de leur jammeuse. C'est et 3 points pour les Seagulls. Joli jam. Et il va rester 20 secondes. Je pense qu'on va être sur le dernier jam de. On va être sur le dernier jam de cette première mi-temps. Donc voilà, ça serait bien que les Seagulls prennent un peu le lead pour essayer de revenir, qu'on ait un petit peu de, suspense. Ouais. C'est le tout dernier jam. Il reste quelques secondes à peine sur le timer. Voilà, j'ai la sueur qui me dit que la jammeuse adverse est tombée, s'est faite relever par une bloqueuse de l'équipe adverse et ils ont fait un petit câlin parce qu'il y a une bonne ambiance ici et d'ailleurs elle me dit aussi qu'il y a du monde dans les gradins voilà pour un samedi matin il fait un peu beau les gens ont décidé de sortir donc n'hésitez pas vous aussi à venir et c'est bien les Seagulls qui ont pris le lead avec Momo ouais très vite suivi derrière en star pass par Lagen. Ah non, Lagen est en prison. Donc on est sur un power jump pour les Seagulls, peut-être l'occasion de remonter juste avant la mi-temps sur ce dernier jump, de remonter un petit peu. J'espère pour qu'elle va y arriver, ça serait beau de un peu réduire les cartes. Et puis elle mérite un petit peu. Oui, parce que c'est quand même des bonnes joueuses. Hein. Ah, alors que non, elle va en prison. Donc, qu'est-ce qui se passe quand les deux jammeuses vont en prison? Eh bien, celle qui était en premier sort et la seconde fait autant de temps que la première, donc pas 30 secondes. Donc là, ça va jouer à. Ça, je vous dis, quoi, je pense que un peu plus de 10 secondes peut-être en prison. Donc ça va se jouer vite. On rappelle qu'il y a des alors je sais pas qu'on appelle ça si c'est des matons ceux qui surveillent les prisons. Il y a un an, je l'ai plus en tête, mais il y a un an pour les arbitres qui sont avec des chronos et qui vérifient tout ça. Des arbitres de prison, quoi, on peut dire comme ça. Des arbitres de prison qui vérifient bien que chaque joueuse... Des gardiens de la paix ? Non, gardiens de la paix. voilà, le temps est arrivé à zéro. Il reste 35 secondes sur le jam. Ouais. Voilà, tous les deux jammers sont en prison, donc personne ne peut... Personne ne peut faire appel. Alors donc, que ça passe voilà. Pour les Porcelain Dolls qui marquent 4 points. Hein. Donc on a 4 ou on a 8 ? 4. 4 seulement ? Oui. Momo du côté des Seagulls qui essaye de passer, qui n'a toujours pas mis de points. Ouais. Il y a 8 points spéciale, pour mais... Lagen et donc les Porcelain Dolls. Alors on était. Ouais, il y avait pas mal de Seagulls qui étaient en prison. Hein, donc ouais. Ce sens-ci, elles avaient un peu l'avantage. Les et puis on était parti sur un jam où les Seagulls avaient pris le lead et donc Momo qui était parti ouais. Et donc Lagen qui était parti en prison, mais au final 12 à 4 dans ce dernier jam et donc 101 à 32 avant ces 15 minutes de mi-temps. On se retrouve peut-être dans un petit quart d'heure, Mathilde. C'est ça, on va se prendre dans 10 minutes on va dire pour reprendre un petit peu pour voir ce qui va se passer. Écoute, une première mi-temps où les Porcelain Dolls ont pris l'avance assez rapidement. Combien d'écart, Bichente ? Petit calcul. Ça nous fait 69 points d'écart. 69 points d'écart, c'est 101 à 32. Les Porcelain Dolls sont bien partis. Les Seagulls ne jouent pas mal, malheureusement, elles prennent pas assez le lead. Généralement, c'est les adversaires qui le prennent. Ouais. Et voilà, c'est parti, on est en Anglette, au gymnase de la Pignada. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et on vous dit donc à tout à l'heure dans une petite dizaine de minutes. À tout à l'heure. Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare... Et rebonjour Bichette. Rebonjour Mathilde. Comment il va Bichette? Je n'ai pas 6 ans Mathilde. Bichette, allons. Oh, tu as un peu 6 ans pour moi. On dit que... Oh. Tu as 6 ans dans mon cœur. Tu me dégoûtes Mathilde. Tu me fais peur. C'est excessif. Tu me fais peur. Pourquoi? Ça va. Bichette, on est de retour pour ce match qui oppose les Seagulls aux Porcelain Dolls. Voilà, donc les Seagulls de La Rochelle et Sainte. Et les Porcelain Dolls, évidemment, de Limoges. Exactement. C'est dans le nom, hein, on peut difficilement se tromper. Les Seagulls qui sont derrière avec 32 points. Les Porcelain Dolls qui sont devant avec 101 points. On rappelle qu'il reste 30 minutes de jeu, découpé en jam de 2 minutes maximum. Je dis maximum parce que. La première des deux jammers des équipes qui passent a le pouvoir d'arrêter le jam quand elle le veut. Généralement juste après avoir mis des points. Et voilà, c'est le premier match du week-end. Il y en a 8 autres ce week-end, 4 autres aujourd'hui et 4 autres demain. Et voilà, et toi qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Pourquoi tu n'es pas là toute la journée avec nous? J'ai un petit repas aujourd'hui. Tu as un petit repas aujourd'hui et demain qu'est-ce que tu fais? Écoutez bien le sportif quand même, demain qu'est-ce que tu as? Demain j'ai un trail, voilà, j'ai un trail. Ouais. Quel trail? Qu'est-ce que tu fais? J'ai fait un trail à SMP, donc voilà, 21 km avec 1000 mètres de dénivelé positif. Donc voilà, petite course à pied. Petite course à pied de 21 km. Voilà. Combien de temps tu mets pour ça? Mais je sais pas, je disais justement que je n'en savais rien parce que c'est vrai que ça dépend vachement du terrain en trail. Si ça sera humide, ça sera pas humide. Okay. Si le dénivelé ça donne une indication, mais ça nous dit pas si c'est très pentu, pas très pentu, si on peut courir, s'il faut marcher. T'as déjà été du coup à SMP t'entraîner? Enfin, est-ce que ça a l'intérêt de s'entraîner sur place ou Si, ça aurait, mais je l'ai pas fait. T'as pas fait. Ça aurait pu, j'ai fait que de la piste. Mais je dirais que, allez, si je le fais en 2h30, un peu moins, ça serait pas mal. Entre 2h15 et 2h30, je ferais quoi? Pas mal déjà, ça serait demain matin ça? Non, dimanche matin. Dimanche matin, oui. Oui, demain matin. Ah oui, c'est demain déjà. Et oui, c'est demain, Michel. Pour que je picole ce soir alors. Pas trop. Non. Mais voilà, donc. Et je viendrai ensuite, après la course, bien sûr, commenter le dernier match de la journée de demain. C'est ça, donc le 9e du week-end. Exactement. Et voilà, après ce match-là, on aura une petite idée de qui a gagné le championnat, mais ça sera pas complètement fait parce que c'est. Parce que ça se joue parfois au nombre de points inscrits, etc. Donc parfois, ils font un peu de temps aux bénévoles pour remettre ça en place. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. On est sur le tout premier match du week-end qui oppose, donc, on le disait, les Seagulls aux Porcelain Dolls. On est Roller Derby, on est Anglette au Gymnase Pignada. Vous pouvez nous voir, vous pouvez venir nous voir. C'est ouvert évidemment au public et c'est plutôt cool. Voilà, Roller Derby, donc sport qui oppose deux équipes de 5 joueuses. Dans chaque équipe, il y a une jammeuse, son rôle. ça va être de dépasser les adversaires. Exactement. Le rôle des quatre autres, ça va être d'aider ces jammers-là à passer et d'empêcher les jammers adverses de passer. Les bloqueuses. Et donc pour ça, elles n'ont pas le droit d'utiliser leurs bras, elles ont le droit d'utiliser leurs épaules et leurs hanches. Exactement. Et le tout sur des patins à roulettes et sur ce qu'on appelle le track, une espèce de un terrain ovale, un peu comme le cyclisme en salle, c'est ça qu'on dit ? Non, le cyclisme sur piste, cyclisme je pense que piste, tu vois. Dire, mais oui, voilà, ça ressemble un peu à un vélodrome. Voilà, mais plus petit, quoi. Et puis pas sans la pente. Et sans la pente. Exactement. C'est ça. Et donc voilà, donc l'idée c'est que les bloqueuses peuvent bloquer la jambe adverse, mais surtout elles peuvent la sortir. Elles peuvent la sortir du track, et quand elle sort du track, ben la jammeuse doit revenir derrière toutes les bloqueuses, donc ça lui fait perdre pas mal de temps. Donc ça va être ça la stratégie principale. Oui. Voilà. Est-ce que je suis pas sûr qu'on entende les seagulls dans nos micros, les seagulls qui ont fait leur cri de guerre, hein, qui consiste évidemment en cri de mouette. Oui, ben ça serait illogique de faire autre chose, Mathilde. Oui. Pourquoi elle ferait le sanglier ? Pourquoi elle ferait le sanglier ? Comment elle ferait le sanglier ? Est-ce que tu fais le sanglier ? Oui. Vas-y. Oui, bon. Quand on fait ça, on pense à un cochon plus qu'un sanglier. Non, ça, c'est le cochon. Mais... Ah là, il est fort. Et voilà. Ah, il est fort. Tu me fais vraiment faire le cochon et le sanglier. Oui, absolument. Devant nos 200 000 auditeurs. Exactement. Auditrices. Heureusement que j'ai pas d'estime de moi. Ah, donc la seconde mi-temps, c'est reparti. Les joueuses sont sur le track, les arbitres sont sur le track aussi. 101 à 32, c'est les Porcelain Dolls de Limoges qui sont devant les Seagulls de La Rochelle et de. Vous allez dire, t'as pas du tout non. De Saint. Saint. Et c'est donc les Porcelain Dolls qui sont le lead avec Machine, Bobsleg en face qui essaye de passer, qui a un peu plus de mal. Machine qui va bientôt tenter de mettre ses 4 premiers points. Voilà, c'est à coup de 4 parce que les bloqueuses n'ont pas le droit de s'aligner entre elles. Non. Exactement. Seulement dans leur propre équipe, mais non plus n'ont pas le droit de s'aligner de l'autre équipe non plus. Ça, pour les bloqueuses, les jammeuses, elles font absolument ce qu'elles veulent. Mais et par contre, tout le monde tourne dans le même sens. Il n'y a pas le droit de revenir en arrière, sauf quand elles se font sortir. Oui, mais il ne faut pas revenir dans le track. Il faut revenir à l'extérieur du track. Il faut revenir depuis l'extérieur du track, derrière les bloqueuses adverses. Si les bloqueuses ont le droit de revenir dans le track vers l'arrière, mais pas les jammeuses. Oui. On appelle ça un recyclage quand les jammeuses doivent repartir en arrière. Exactement. Exactement. Et pour l'instant, Machine qui a mis 4 points. Ouais, mais c'était passé aussi pour les. Et 4 points de plus, je c'était crois. C'était passé aussi pour Bobsleg et les Seagulls. Donc. 8 points pour Machine. Bobsleg. Qu'est-ce que fait Bobsleg, du coup, là, a le temps de mettre ses 4 premiers points, Michette ? Ou est-ce que. Non, elle a fait son premier passage, par contre. Mais Donc Bobsleg essaye de mettre ses 4 premiers points. Ouais. Donc 8 à 0, Bobsleg ne passe pas. Pourquoi est-ce que ne colle pas, enfin, je comprends pas. Je sais pas, mais elle se dit peut-être est-ce que. Est-ce que t'es sûr qu'elle a fait son passage initial? Oui, alors sûr non, mais il me semble bien que oui. Et je pense que c'est pour. Elle se dit qu'elle a plus de chances de marquer elle des points plutôt que. Ouais, elle a confiance en ses capacités. Et en ses capacités aussi. En ses capacités, c'est vrai aussi. Oui. On est à quoi, 12 points pour l'instant pour les Porcelain Dolls contre 0 pour les Seagulls. Et pour l'instant, c'est une tactique qui marche, vu que ça passe pas pour Bobsleg et que ça passe pour... Elle se fait recycler constamment, Bobsleg, pour les Seagulls. La défense des Porcelain Dolls, c'est vraiment très très efficace. Un peu moins efficace du côté des Seagulls, malheureusement. Bobsleg qui passe plus facilement. 16 points, je crois. Ah, et ça passe pour Bobsleg qui met ses 4 premiers points. Et donc, qui avait fait son premier passage. J'avais raison, encore une fois. T'as toujours raison. 20 à 4, du coup. En tout, les Porcelain Dolls qui prennent encore une fois 16 points d'avance. 121 à 36. On s'approche doucement mais sûrement des 100 points d'écart. Ouais. Et d'une déroutée pour les Seagulls. Mais ça fait partie du jeu. Ah oui, après voilà, les Seagulls c'est une équipe dans laquelle il y a particulièrement une bonne ambiance. Oui. Elles amènent aussi la bonne ambiance dans les gradins avec leurs spectateurs, spectatrices, leurs fans. Exactement. Leurs admirateurs, j'allais dire. Admirateurs, admiratrices. Donc voilà, généralement, même quand elles perdent, même en prenant une petite branlée, il y a toujours le sourire. Ils sont là pour s'amuser. On est en N2, je rappelle, ils ne sont pas en train de jouer la Coupe du Monde. La Coupe du Monde de. Le Pogo. De Pogo de roller derby ou les JO de Paris de roller derby. Non. Qui s'annonce bien les JO d'ailleurs. ouais, ça a l'air, ouais. C'est Kamikaze, je crois. Qui a pris le lead, donc les Seagulls qui ont pris le lead et qui vont pouvoir peut-être revenir un petit peu dans ce match. En tout cas, tout doucement. Peut-être réduire l'écart en tout cas. Oui. En face, il y a un Star Pass, un faux Star Pass. Il y a un faux star pass de Stellaire, mais je crois qu'elle va en prison. Ouais, voilà, elle va en prison. Elle était pas sûre, mais oui. Stellaire va en prison, ce qui fait qu'on est sur un power jam, je crois. Oui. On est sur un power jam ou est-ce qu'elle a réussi à passer son étoile avant de se faire sortir? Je pensais qu'elle avait. Parce que je vois pas l'étoile sur sa tête ni dans sa main. Ouais, c'est pour ça. Mais je vois plus de jammer sur le track non plus. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Bon. Elle n'a pas le bonnet ni dans sa main ni sur sa tête. Non. Est-ce que le bonnet. Elle a dans la main du. De... Mais peut-être qu'elle n'a pas vraiment utilisé. Elle est dans la main, je le vois. Elle a été jetée à l'extérieur. Elle a été jetée pour le donner à. Je ne comprends plus rien. Eh bien, je pense qu'elle a pris l'étoile, mais qu'elle n'avait pas le droit d'utiliser parce que James est en prison. Peut-être qu'elle a fait la faute avant de passer l'étoile. Exact. Et du coup, elle n'a pas le droit d'utiliser. Et donc, on était sur un power jam. Ouh, c'est Kamikaze qui est tombé, qui a l'air fatigué, la jammeuse des Seagulls, qui prend 12 points quand même grâce à ce power jam. Et qui va pouvoir revenir un petit peu dans ce match. Hein. Ouais, peut-être 16 points. Peut-être 16 points avant d'arrêter. Parce que c'est passé pour. Stellaire, est-ce qu'elle met des points? Non, c'est son premier message à Stellaire. Voilà, c'est Kamikaze qui a mis 4 points et qui a arrêté derrière. Et donc, il nous fait 16 points. 16 points, très joli. Très joli jam. 16 points, c'est plus rare que qu'on ne le croit. Au-delà de 8, c'est quand même assez rare que les jammeuses continuent. Il ouais. faut vraiment qu'il y ait une bonne défense de leur équipe. Et donc, ils bloquent la jammeuse adverse pour aller aussi loin. Donc, on va très bien jouer la part des Seagulls, qui réduit un peu l'écart. 16 points, c'est pas mal. 16-0. Et ce qui nous fait 121-52. 25 minutes et 12 secondes à jouer. Mm-hmm. Donc on est reparti en espérant que les Seagulls peut-être reviennent un petit peu et que ça nous donne un petit peu de suspense pour la fin du match. Ouais, voilà, on a donné par choc du côté des Seagulls. Ouf, et Miss Yolona qui est passé très vite. Qui est passé très facilement. Qui prend le lead dans Miss Yolona pour le Porcelain Dolls. Est-ce que tu as remarqué le numéro de Miss Yolona? Parce qu'elles ont toutes des numéros. 133? Non, c'est pas 133. Je te laisse regarder. Elle vient de mettre 4 points. 1312? Oui. Ça te rappelle rien, 1312? 1312, non. Non, c'est pas une date qui te... Ah, c'est pas le couronnement de Clovis? Non. Non, j'en sais rien. C'est possible, non. 1312, non. Ah, ça m'étonne de toi que tu n'es pas celui-là. 1312. 1312, ça te rappelle rien. 1312, non. Si on répertorie ça, si on recale ça sur des lettres, le 1 étant le A, évidemment. Ah, Bichente est en train de faire un énorme effort de calcul. A, C... DC? Non. Ah, c'est DC. 1312. Ah, C-A-B. Ah, C-A-B. Ah, C-A-B, ça te... Ah, quoi? Ah, voilà. Oh, putain, oui. Non. En vrai, c'est ça? Ah, bah, j'imagine que c'est ça. Waouh. Ah ouais, ah ouais, mais je savais pas du tout que ça se retranscrit. C'est vrai? Ah, tu connaissais pas ce truc-là de le mettre en numéro? Ah, non. Ah, bon. Ah, pas du tout. Ah, oui, ça se fait souvent. J'ai déjà vu des gens qui ont des tatouages avec des chiffres romains... 1-3-1-2. Eh ben c'est pas mal, je vais me le faire ça. Allez. Un petit tatouage, 1312. Pour la naissance de Clovis. La naissance de Clovis ou le couronnement, je ne sais plus, par là. Le couronnement, ouais. À Reims, hein. Ah ça oui, bien sûr, à Reims. Ou Toulon, je ne sais plus. Ouais. Non, c'était à Reims. Le Toulon, c'était Louis II. Exactement. Louis II dédie le chanvrier. Louis le Gros. Louis le Gros. Mais c'est vrai, hein. Et on regrette, tu sais, c'est la belle époque. La royauté. C'était la belle époque, moi je me souviens, il y avait des belles pommes sur le marché. Alors est-ce que tu sais, alors j'ai parlé un petit peu de moi, mais est-ce que tu sais quand tu parles de Tom Châtel. Que je suis un descendant de Richard Cœur de Lion. Mille fois tu me l'as dit. Descendant de Richard Cœur de Lion et d'Aliénor d'Aquitaine. Mille fois tu me l'as dit, ouais. Mais est-ce que tu sais Bichette que à peu près tout le monde est descendant d'un roi ou d'une reine? Mais moi plus. Mais toi plus. Plus parce que moi j'ai vraiment le sang royal, comme on appelle ça. Le sang bleu. Exactement. Le sang bleu. Moi c'était anglais. Richard Cœur de Lion, il était roi d'Angleterre. Hein. Oui, parce qu'il y a le sang bleu pour tous les rois. Non, c'est que les Français. Non, nous c'est le sang rouge. On est sang. Nous on a bloqué les Vikings. Hein. Oui, bah oui, très très bien d'ailleurs. Ça a bien marché. La Normandie peut d'ailleurs le prouver. Et oui. On revient au match. Au match, oui. Après cette superbe après de ton illustre ancêtre grand papy, quoi. Oui, c'est ça. Grand papy Richard. Exactement. On l'appelait Rico. Ouais. un peu secrète comme ça. Un peu dur grand papy, mais juste. Un peu. Un peu dur, un peu sévère. Un peu dur d'où? Un peu dur de la feuille déjà, mais un peu dur en tant que grand père, quoi. Ah oui, c'est vrai. Un peu difficile à vivre, quoi. Il me semble que tu m'avais dit ça. Aliénor, très gentil, par contre. Oui, bien sûr. Ali. Ali Nord Aquitaine, dont on peut entendre d'ailleurs une petite chronique dans Badoum 48. Puisque je n'ai pas écouté encore. Lingui Pixie voulait absolument, avant même que ça commence, voulait absolument parler d'Aliénor d'Aquitaine. Ah oui. C'était elle avait cette petite obsession, et quand elle a vu le thème qui était je suis la première du plus embouteillage du monde, elle s'est demandé comment elle allait réussir à caser Aliénor là-dedans. Et elle a réussi. Mais oui, mais tout est faisable. Hein. Tout est faisable, tout est imaginable. Tout est faisable, tout est réalisable. Comme disait Christophe. Ami, non, c'était Jérôme. Non. Grégoire, exactement. Putain. Greg. Ouais. On revient au match. Allez, parce que bon, les Porcelain Dolls ont mis 16, sont en train de mettre 16 points à 0 au Seagull sur ce James Machine qui avait pris le lead. Hein. Le lead. Est-ce qu'elle a eu jusqu'au bout? Est-ce qu'il y a eu une prison, quelque chose comme ça? Non, je crois c'est quand même assez rare d'aller jusqu'au bout des deux minutes. Non, je croyais qu'elle était passée. Non. Et donc on est allé jusqu'au bout. Parce que c'est quand même assez rare d'aller jusqu'au bout quand on ne perd pas le lead. C'est 3 points de plus, 19 à 1, je pense. Ça va finir. C'est ça, 19 à 1. Voilà, pour les Porcelain Dolls qui prennent 18 points, 10 points d'écart. Et on est quasiment à 100 points d'écart. 148 à 57. Exactement. Effet. Alors que je me bats avec mon micro. Tu te bats avec ton micro, tu fous le bordel sur notre jolie antenne. Ouais. Qui jusqu'ici était parfaite. Alors qu'on entend l'ambiance qui commence à monter. Si vous entendez un petit brouhaha, c'est ici. C'est, c'est les supporters et supportrices des équipes. On a une odeur de talon aussi qui arrive, donc du coup n'hésitez pas à venir. Ouais, ça l'ambiance est là, la bouffe est là. Donc, ça y est, j'ai faim. Ouais, moi aussi. Alors que c'est les Porcelain Dolls qui ont pris le lead avec Stellaire, encore une fois, qui vont essayer d'accrocher les 100 points d'écart. Hein, ouais. Qui est passé, qui marque ses 4 premiers points, donc 4-0, c'est toujours pas passé pour Bobsleigh. Et ça passe en fin. Ça passe à star. On est quoi, un demi-track d'écart. On a juste le temps pour Stellaire de tenter un boom track. Non, parce qu'il a déjà marqué 4 points, donc ça va pas être un boom track. Qui a marqué 8 points. 8 points et qui continue. J'étais étonné aussi qu'il continue. Et puis on a entendu de son équipe. Qui a fait marquer 2 points. Pourtant, on a entendu son équipe lui crier de coller. Parce que voilà, quand on est dans le match, c'est pas forcément évident de voir tout ce qui se passe à côté. Donc c'est pour ça qu'il y a des coachs dans chaque équipe qui vont donner des ordres. Ouais. Et donc il faut être, surtout quand on est jameuse, être très attentive au coach ou à la coach. Oui. Parce que c'est la meilleure vue d'ensemble que. Et puis c'est en général, ils écoutent leur coach et ils font ce qu'on leur demande de faire. Exactement. Surtout quand les coachs qui sont durs et qui crient fort. Oui. Il y en a. Alors c'était quelle équipe qui avait une coach qui criait très très fort? Je sais plus. C'était Luna peut-être. Je sais plus. Alors Luna pour les Valiant Beaches, Malichupita de son Darwin Name crie pas mal. Oui. Mais une voix un peu cassée quand même. Ah, une peu cassée. Bah, force de crier à mon avis. Oui, c'est ça. Force de crier à mon avis. On est à combien, 96 points d'écart. Exactement. 156 à 60. Oui. Les Seagulls qui ont mis un petit point sur ce jam. Il reste 18 minutes et 36 secondes sur cette deuxième mi-temps. Je pense qu'on va atteindre les 100 points d'écart. Oui. Et à partir de peut-être que ça va un petit peu plus stagner. Généralement, quand on passe les 100 points d'écart, ça tend à un petit peu à stagner. Ou alors, c'est peut-être juste que l'écart des points paraît un peu moins grand. C'est un petit peu stagné tout à l'heure avec le beau jam, donc du coup, des Seagulls qui avaient fait un jam à 20 points. Mais derrière les Porcelain Dolls, on fait un jam à 18, je crois. C'est ça. Donc, un petit coup d'épée dans l'eau, malheureusement, pour les Seagulls. Ça prend le lead pour les Seagulls avec Dolly Parshock, alors que Lagen est bloqué dans le trafic qui a pris un énorme tampon. Parce que Lagen... Il y a un Star Pass. Je rappelle que le Star Pass, c'est quand la jammeuse passe son étoile à la pivot. La pivot, c'est celle qui a une crête, on va dire, une ligne sur son casque. Elles ont le droit de faire ça, seulement la jammeuse à la pivot, et seulement une seule fois par jam. Et en fait ça permet de parfois passer simplement le bonnet par dessus les joueuses. On n'a pas le droit de le lancer, il faut le passer de main en main, mais on peut le faire par dessus les autres joueuses. Exactement. Mais par contre, en faisant ça, on perd automatiquement le lead, donc ça se fait très rarement quand aucune des équipes n'est passée. Ça peut arriver quand ça bloque beaucoup pendant plus d'une minute parfois. On se dit tant pis, on perd le lead, mais au moins on va engranger des points. Oui. Et donc voilà, donc c'est reparti pour un nouveau jam. Les Seagulls avec Bobsleigh, Porcelain Dolls avec Miss Yolona. On est parti. Ça bloque bien. Mais Miss Yolona, voilà, elle passe généralement assez vite. Ouh, alors que là, très jolie défense des Seagulls qui font tomber Missy Elona hors du Missy track. Missy Elona qui est très longiligne et là qui a pris une percussion. Et du coup elle tombe de haut quoi. Donc ça fait un peu peur parfois. C'est vrai. Bobsleigh face à Missy Elona. C'est Missy Elona qui passe. Ouais, Bobsleigh qui est juste derrière qui je pense. Est-ce que Missy Elona va tenter un moontrack? Je suis même pas sûr parce qu'il y a même pas un quart de track entre les deux. Si elle le tente, elle a l'air de le tenter. Tchac, voilà, elle colle. Et je pense que ça va être un boom track. Hein. Est-ce que ça va être un boom track? Ou un proto au moins. Mais en fait, pour moi, il y a un proto. Si jamais c'est au moment où elle fait le signe, c'est un proto. Et si c'est au moment où ça truc, où ça proto. Siffle. Voilà, donc un proto, donc 3 points. C'est on va dire un boom track avorté. C'est ça un proto. C'est quand il y a 3 points seulement au lieu des 4 espérés. Parce que voilà, vous voyant la jammeuse adverse arriver, bah, en fait, elle se lance dans le tas et puis sans réfléchir, elle fait appel pour arrêter. Et, ouais. et on verra bien combien. Combien de joueuses adverses elles passent. Et là, c'était 3 sur ce coup-là. Exactement. 159 à 64. 4. C'est les Porcelain Dolls devant, les Porcelain Dolls qui prennent le lead très très vite, mais très suivi, enfin suivi, ça ne va pas suivi, c'est collé. Derrière, voilà, c'était Sexy Kamikaze qui était juste derrière la jammeuse grise des Porcelain Dolls, et donc il a obligé, si on veut, à coller, à faire appel pour arrêter. Par peur de prendre des points, ça vaut pas le coup, surtout quand on a autant d'avance, ça vaut pas le coup de prendre le risque de se faire manger des points. Alors qu'on est à 159-64, nouveau jam. Ça a pas bougé, voilà, 15 minutes. Il reste 15 minutes, on est à la mi-temps de la mi-temps. C'est ça. Et on va se diriger tout droit vers une victoire des Porcelain Dolls. Ah, il semblerait. Hein. Mais on ne sait pas de combien de points d'écart et qui va compter, parce qu'on le rappelle au classement, c'est le goal average qui va compter, donc il faut essayer de marquer le maximum de points et d'en prendre le minimum. C'est ça, les Seagulls sont passés, les Seagulls sont pris le lead de l'hypershock derrière, même pas un quart de track suivi par Machine. Ah, mais on va être sur elle un proto. Elle a tenté le bon track. Je pense qu'on va être sur un proto. Alors, 0 pour les Seagulls. Ah non, on a que 2 points. 2 points pour les Seagulls qui ont tenté le boom track, c'est-à-dire qu'elle rentre dans le tas et puis sans réfléchir, puis elle colle dans la foulée et on voit combien elle a passé avant de coller. 2 points, ce qui fait 66 points pour les Seagulls de La Rochelle et Saint et 159 points pour les Porcelain Dolls de Limoges. Oui. Ça va. Écoute, on a un match assez large, donc c'est vrai qu'on manque un peu de suspense, mais... on va essayer de regarder ça jusqu'à la fin avec intérêt, en se disant que le goal average compte et qu'il faut regarder chaque point. Ça. Hein. Puis de toute façon, même s'il y a des gros points d'écart comme ça, il peut arriver d'avoir des beaux des beaux jams, des beaux gestes, parce que en fait les équipes s'en foutent un peu finalement. Elles savent très bien, les Seagulls savent très bien qu'elles vont pas être dans le haut du classement. Donc au sol pour jouer, elles sont là pour s'amuser. Et c'est comme ça qu'on finit avec souvent des beaux jams, quelques beaux jams par match. Tu sens cette odeur qui titille les narines. Ah là ça doit le faire. Ça n'hésitez pas à venir. On n'est pas sur les panini de Mérignac. Hein. Là, faut avouer. N'hésitez pas à venir. On est en Anglette, au gymnase de la Pignada. Il y a des talos qui sentent bon. Exactement. Il y a de la bière, il y a du thé, il y a tout ce que vous voulez. Oui. C'est tout ce que vous voulez. Peut-être pas tout. Les classiques, les basiques. Vous avez tout pour survivre, en tout cas, ça voilà. C'est sûr. Il y a encore 4 matchs aujourd'hui. C'est une entrée libre en plus, donc n'hésitez pas à venir. Vous pouvez aussi, je vous rappelle, sur ce match en vidéo sur la chaîne YouTube des Valiant Beaches, à savoir donc le Roller Derby Côte Basque. Comme ça, vous avez la vidéo d'un côté et vous pouvez vous mettre les commentaires ici sur radionoculture.wordpress.com de l'autre. Voilà, si vous êtes sur Chrome, sur le portable sur Chrome, ça déconne un peu. Oui. Il faut appuyer sur, voilà, juste en dessous, sur le site internet, en dessous, il y a un petit bouton pour ouvrir le lecteur sur une autre fenêtre. Appuie sur ça et avec ça, ça va marcher. Ouais. Mais c'est vrai que sur Chrome, ça déconne un peu. Moi, je suis obligé d'appuyer sur ce bouton, par exemple. Mais je suis pas plus bête que vous, donc si j'y arrive, vous devriez y arriver, normalement. Ah, un peu plus bête que la plupart des gens, mais bon, si lui y arrive, effectivement, ça devrait aller. 66 à 159. Ça se bataille. Bientôt 30 secondes sur ce jam et toujours personne qui a le lead. Est-ce que elle l'a pris? Oui, elle l'a pris. C'est la Gaine qui prend le lead. Est-ce que c'est la Gaine? C'est pas ce nom que je vois sur son t-shirt. Mais bon, parfois les t-shirts sont pas à jour ou parfois le tableau n'est pas à jour parfois. En tout cas, c'est les Porcelain Dolls qui ont pris le lead, qui essayent de marquer. Aïe, ça chute. Ça chute et ça colle. Hein. Ça chute, ça colle. Est-ce qu'elle a réussi à mettre un point ou deux? Non, un point. Oui, pardon. Un point pour les Porcelain Dolls, 0 pour les Seagulls. Voilà, elle a écouté les. Je sais pas si c'est sa coach ou si c'est les gens qui lui ont intimé l'ordre de coller. Elle a suivi l'ordre en tombant, de toute façon, quand elle tombe, le temps de se relever, etc. Elle laissait largement le temps à son adversaire de revenir et de marquer des points. Donc voilà, même si elle est à terre, même si elle est hors du track, elle a le droit de faire appel. Il n'y a pas de problème. Exactement. Alors Mathilde, j'ai une petite question pour toi là. Je viens de voir quelqu'un qui. Je dirais 3. De quoi ? La réponse est 3. Exactement. C'est vrai ? Exactement. Je savais, je savais. Ouais. Est-ce que tu as une autre question, Richard ? Alors on est reparti donc sur. Non. Au niveau des chiffres, là, est-ce qu'il y a une loi ou une règle ou quelque chose ? Non, je crois pas. Parce que j'ai vu quelqu'un qui a le chiffre 1.21. C'est possible. Donc là, ça commence à être technique quand même. Il semble que non. Alors, c'est juste des numéros. Il semble qu'évidemment, il ne faut pas que deux joueuses aient le même numéro. Mais je ne crois pas qu'il y ait particulièrement de règles. Parce que, non, je crois qu'il me semble que même rugby ou foot, ça dépasse rarement les 30 et tout ça. Là, ça part. On le disait tout à l'heure, il y avait du 1312. Ouais. Lucifer, que tu aimes bien, c'est évidemment 666. Oui. 666 qui revient souvent. Ouais. D'ailleurs, il y a des 1, il y a des 100, il y a des, un peu n'importe quoi. Et 1-21 qui doit être donc une fan de groupe suédois sûrement. Pourquoi 1-21 je l'ai pas. 1-21. Ah bah non. 1-21 bah il faudrait 1221. Pourquoi? Bah ABBA. Eh bien, ABA, ça marche? Non, ça marche pas, c'est ABBA. Michel, arrête de déventer des choses comme ça. Il faut avoir l'écriture bonne. Je viens de découvrir quelque chose, mais il faut avoir l'écriture bonne en plus. Ah bah, Michel, attends. Merde. Michel, d'ailleurs, qui s'écrit comme CH, sachez-le. Mais ferme ta gueule. Arrête avec ça. Il faut avoir l'écriture bonne en plus. Mais oui. Bah voilà. On est reparti. Donc, ça va être lent pour toi la journée, 66, je pense. 66, ça va être très lent. 66 ouais. À 164 pour Solendals, qui sont à deux petits points de 100 points d'écart. Ouais. Il reste un peu moins de 12 minutes ouais, sur 11 le minutes match. 50. Et donc, du coup, on va dépasser les 100 points d'écart peut-être sur ce, Mais 30 sur ce jam. 30 secondes pour l'instant sur ce jam, et toujours personne, aucune des deux jammers n'est passée. Ça bataille dure. Ça bataille une belle défense des deux côtés. Ouais. Une fatigue qui commence aussi à s'installer, certainement, si c'est le premier match de la journée. Et ça passe pour les Porcelain Dolls. Ouais, c'est Stellaire qui prend le lead pour les Porcelain Dolls. Dolly Barchak en face ne passe pas. Et qui vont peut-être donc prendre. Ouf. Il y a une chute, mais tant qu'elle n'est pas sortie. Et ça passe elle, très elle peut, facilement elle peut se relever pour Stellaire Dolly qui marque 4 points. 168 à 66, ça y est, on a 102 points d'écart. Ouais. On a trois joueuses. Ouais. Des, 8 points de marqué pour les Porcelain Dolls. Ouais, on avait 3 joueuses qui ont pris des pénalités du côté des Seagulls. Qui sont en prison. 3 sur 5, hein, je rappelle, c'est quand même pas mal. Ça va laisser les Porcelain Dolls un peu tranquilles. Du coup, les Porcelain Dolls qui passent très facilement et qui marquent 12 points, qui collent. Hein. Forcément, oh là là là là. Qui va coller, je pense. Non, alors je pensais qu'elle était un power jam, mais non, pas du tout. Non, mais je me demande si à la fin la joueuse des Seagulls n'est pas allée en prison. Ouais, parce non, que du non, coup, je comprends pas pourquoi elle a collé, mais bon. Je ne comprends pas tout, il faut dire. Je suis pas le couteau le plus aiguisé de l'effiroir, on va dire. Ah, bah ça on le savait déjà, mais non, je sais pas, peut-être que. Alors, à côté, on me propose d'autres expressions. Adrénalise, qu'est-ce qu'elle a dit, Adrénalise? Ah, mais je vais essayer de le dire. Adrénalise, qu'est-ce que c'est ton expression? Elle m'entend pas, je crois. C'est quoi ton expression à toi? La truite la plus oxygénée du ruisseau. Eh oui, on a beaucoup de choses pour me définir, beaucoup d'expressions pour me définir. Mais j'ai vu qu'en ce moment c'était un petit peu la surenchère sur ce truc-là. Il y a le pingouin qui est le plus loin. Oui, bah. Le couteau le plus affûté, évidemment. Ouais. Qu'est-ce que j'ai vu? Il y a quelques-unes comme ça. J'ai vu passer en ce moment. Il y a pas mal de trucs sur cette expression-là. Bichette, 110 points d'écart pour Sundals. Ça pique. On fait un petit braquage. Ouais. Sur le dernier jam, la première fois, c'est quand même. Et pourtant, c'est pas des harpies. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très bizarre ce qui vient de se passer. J'ai l'impression. Un point pour les Porcelain Dolls. Pour les Porcelain Dolls, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce qui t'a fait bizarre? Non, je sais pas. C'était un jam. On n'a pas vu le début, du coup, j'étais un petit peu perdu. Mais on repart sur un jam complet où tu peux suivre depuis le début. Donc là, on est reparti. 177 à 66. Donc 111 points d'écart. Et ouais, reparti. Il reste moins de 10 minutes sur le match. Momo et pour les Seagulls en jammeuse. Et donc Lagen pour les Porcelain Dolls. Lagen qui tente de passer à l'extérieur, qui a mis un gros coup d'épaule. Ouais, ça passe. Qui est passé, qui a pris le lead. Donc, ça passe. Un petit gabarit. Pourtant Lagen, généralement, ce genre de gabarit essaye plutôt de se faufiler. Mais là, non, il est passé. Il a foutu un gros coup d'épaule. La dernière bloqueuse adverse qui l'a gêné. Et il est passé. Et elle met ses 4 points d'ailleurs, elle met ses 4 premiers points, donc c'est le deuxième tour. On rappelle que le premier tour, c'est seulement, on ne met pas de points, c'est seulement pour prendre le lead. Et là, donc, elle est passée une deuxième fois, ce qui fait 4 points. Elle va essayer de passer une troisième fois alors que la jumeuse adverse des Seagulls n'est toujours pas passée. Momo tente. Ah, ça y est, on y est, ça y est. Momo. Exactement, qui fait son Momo premier qui passage. Passe et qui va qui peut-être obliger voilà, à coller. Donc Lagan qui a fait peut-être 2 points et qui a collé. Alors, à peu près, je pense. À 0 pour les Seagulls en tout cas. Je ne vois pas l'arbitre. Je ne vois pas l'arbitre des Porcelain Dolls. Qui est en train de discuter, il me semble, avec les arbitres extérieurs. Ouais. Et qui attend avant de faire son délibéré. Mais je pense qu'il y a 2 points. Pour toi, il y a 2 points. Ouais. Moldu cul. Ah, mais non, pas de points. Nom de l'arbitre. 4 points, on reste sur 4 points pour les Porcelain Dolls. Nom de l'arbitre des Porcelain Dolls, Moldu cul. En deux mots, Moldu comme les Moldus dans Harry Potter. Ouais. Et Q comme la lettre. Q. Voilà, parce que les jeux de mots, on aime bien savoir leur avis, les jeux de mots. Et on aime bien être un petit peu vulgaire aussi. Oui, c'est ça. Un petit peu de vulgarité, c'est un peu rigolo. C'est un peu, comment on dit. Bah, la vulgarité est drôle. Un peu bon enfant, un peu bon enfant. Alors, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui a pris le lead? Pastaga qui est passé, mais du coup elle prend le lead. Ouais, on va voir qu'elle prend le lead. Et c'est, Dolly Parchoc. Ça s'affiche pas. Mais si, ça s'affiche maintenant. Ça s'affiche maintenant. Bah, qui a Pastaga, marqué. Est-ce qu'on a déjà vu Pastaga faire un jam? Non, je crois pas. Qui est pour la première fois. Donc peut-être qu'il profite d'avoir un petit peu d'avance pour tester un petit peu. Ouais, pour tester ou peut-être pour la fin de match, mettre des joueuses qui sont un peu plus fraîches que les autres. Parce qu'être au jam, ça fatigue particulièrement. Et après, peut-être pour essayer de reposer aussi les autres. Parce qu'en vue des prochains matchs, parce que je sais pas, est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a des équipes qui font plusieurs matchs ce week-end? Qui font 3 matchs. Mais il me semble que les Porcelain Dolls rejouent, je sais pas si c'est ce soir ou demain, contre les Valiant. Mais je pense que les Seagulls ou les Porcelain Dolls vont faire 3 matchs parce que bah, du coup c'est pour ça qu'elles sont premières. Ouais. Histoire de faire un deuxième aujourd'hui en fin de soirée et un troisième demain. Les Porcelain Dolls jouent de nouveau à 17h30 aujourd'hui contre les Sambé. Et les Seagulls. Et les Seagulls jouent que demain. Dans les Full Metal Punkettes et les Porcelain Dolls se rejouent demain donc, contre les Valiant Bitches. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre équipe qui va faire 3 matchs, Bichente? Est-ce que tu peux regarder pendant que je vais commenter? Voilà, c'est Bob Zleg qui prend le lead et qui met 4 points pour les Seagulls face aux Porcelain Dolls. On est à 184 à 70. Donc les Porcelain Dolls qui ont quand même 114 points d'avance. C'est vrai que là, c'est peut-être le moment de tenter de mettre des nouvelles joueuses pour qu'elles s'habituent aussi à faire des jams en compétition, etc. Il y a aussi les Harpy Braqueuses Ce soir, elles jouent contre les Valiant Bitches ce soir, donc j'imagine qu'elles jouent le match d'après. Elles jouent juste après à 13h, comme les Petites Morts de Bordeaux. Ouais, ah, ça va être un bon match ça. Contre les Valiant Bitches ce soir et contre les Contrabandistas. Donc les Harpy Braqueuses qui sont en tête, je pense, du championnat. Il me semble que c'est les premières, effectivement, de l'Harpy Braqueuses de Pibrac. Mais qui ont, pour le coup, un calendrier très très compliqué sur ce dernier. Qui ont 3 matchs difficiles. On rappelle que toutes les équipes ont fait, à un moment donné de la compétition, 3 matchs dans le week-end. Parce qu'il y a 8 équipes, donc. Et donc, généralement, c'est 2 matchs par week-end. Sauf sur un week-end où elles vont en faire 3. Ouais. Et donc, cette fois-ci, ça sera pour les Porcelain Dolls et pour les Harpy Braqueuses. Exactement. 8 points pour les Seagulls sur ce dernier jam, ce qui ramène l'écart à 110 points quand même, 184 à 74. Les Porcelain Dolls de Limoges sont devant. Je vous rappelle aussi que vous pouvez suivre ce match en vidéo sur YouTube. C'est diffusé en direct sur Roller Derby Côte Basque, qui est le nom officiel du club des Valiant Bitches. Oui. Parce qu'on aime tellement les surnoms dans ce sport que même les équipes ont des surnoms. C'est-à-dire? Il y a les noms officiels et il y a les surnoms. Comme quoi? Eh ben comme le Sambé. Ah non, c'est vrai que le Sambé, pour le coup, ils ont que ça. Mais les Petites Morts de Bordeaux, oui. Je crois que c'est Roller Derby Bordeaux, le nom officiel. D'accord. Et le nom de l'équipe, c'est les Petites Morts. Ouais. Parce qu'il me semble que dans certaines équipes, dans certains clubs, il y a plusieurs équipes et je crois que chaque équipe aura son surnom spécifique. Okay. Les Valiant Bitches, c'est le surnom de l'équipe du Roller Derby Côte Basque. D'accord. Et les Contrabandistas de Bayonne, le nom de l'officier de l'équipe, c'est Jusqu'à le Roller Derby, il me semble. Ok. Voilà. Donc, d'accord. Très les surnoms, quoi. D'accord. Les Valiant Bitches, ce n'est pas le nom du club. Et donc, du coup, tout le monde utilise ça et toi, tu as pris pour exemple le seul qui ne fait pas ça. Exactement, le Sam B. Qu'est-ce que tu es doué, Martin? Ah bah, en fait, on peut dire que le nom du club, c'est le Sam et le nom de l'équipe, c'est le Sam B. Ouais. Oui. Allez, je te l'accorde, Mathilde. Je te l'accorde. S'il te plaît. Par pure pitié. Et. Il reste un peu plus de 5 minutes. Il est midi 09. Ouais, ça va finir vers, je pense, midi 20, quelque chose comme ça. Les portions de 5 minutes. 114 pour les Seagulls. Ça se bagarre hein, jusqu'au ouais. bout. Jusqu'au bout, les Seagulls ne vont pas se laisser marcher dessus. Sexy Kamomi pour les Seagulls face à Stellaire pour les Porcendos, laquelle des deux va réussir à passer. Une prison. Et là en prison. Donc on a un Stellaire. Power Jam pour les Seagulls. Mais elle n'a pas pris le lead encore. Ah, non, ça passe. C'est compliqué parce que ça défend bien malgré la. Elle va en prison. Voilà. Ah. Donc Sexy Kamikaze va aussi en prison. Donc Stellaire va rentrer. Et là, ça va piquer. Ça risque de piquer un petit peu. Et donc c'est reparti, donc Stellaire qui je pense va passer parce qu'il y a il y a qu'une personne en prison, on est sur une égalité numérique entre les deux équipes. Numérique certes, mais il y a quand même la jameuse des Seagulls qui est en prison. Hein. Ouais, et Stellaire donc, qui a pris le lead. Et donc la jameuse, donc du coup Sexy Kamikaze des Seagulls qui va revenir sur le track, on va plus être en power jam d'ici peu. Est-ce qu'elle va profiter de ce power jam? Oui, elle va passer pour marquer 4 points. Oh non, s'est bien fait stopper à la dernière seconde, mais qui va finir par passer et qui marque 4 points. Alors que c'est toujours pas passé pour Sexy Kamikaze qui est dans le trafic. Qui n'a pas mis son premier passage initial encore. Hein. Non. Donc il faut qu'elle fasse un premier passage, qu'elle ne marque pas de points, puis un deuxième passage pour espérer marquer des points. Exactement. Ce qui laisse quand même pas mal de latitude à Stellaire, qui est déjà à 4 points pour marquer ses... Ouais. Elle passe oh non, là, elle passe pas. Non, elle passe pas. Ça a failli passer. C'était très juste, mais elle n'est pas passée. Elle s'est fait sortir par la dernière bloqueuse. Ouais. Elle a 4 points. Je pense qu'elle a engrangé peut-être 3 points sur ce passage. Mais comme elle s'est fait sortir, elle doit revenir derrière toutes les bloqueuses et repasser toutes les bloqueuses. Même si elle a engrangé les points de celle qu'elle avait passée. Donc pour l'instant, elle est à 4. On compte les points, on comptabilise les 4 points une fois qu'elle est passée. Ouais. Ou à la fin du jam. Donc combien de points on a pour Stellaire? 4 de plus, donc on va monter à 8 pour le Porcelain Dolls. Nous donner le score de 192 à 74, il va rester 3 minutes. Je vois les juges aller vers la table, le tableau des scores. Peut-être pour essayer de... Voilà, parfois c'est un peu compliqué de gérer tout ça. Porcelain Dolls à 8, les Seagulls à 0 a priori sur ce jam. 192 sur le match pour les Porcelain Dolls, 74 seulement pour les Seagulls. Et donc on est reparti pour un nouveau jam, on va s'approcher de la fin de ce match avec quasiment donc 120 points d'écart. Là ça essaie de batailler un petit peu. Ça bataille, mais c'est vrai que ça passe pas. Ça passe pour les Seagulls, c'est Dolly Parshock qui prend le lead. Elle est suivie derrière de très très près, certainement. Par la gaine. Est-ce qu'elle va tenter de rentrer dans le tas? Ah, il y a une technique intéressante là pour empêcher la jameuse des Seagulls d'arriver à mettre des points. Et bien les bloqueuses adverses décident de faire. J'ai oublié le nom exact, mais en fait de rouler plus vite pour l'empêcher d'arriver trop vite jusqu'à elle. J'ai oublié le nom de cette technique. Et je me pose la question de puisque les deux équipes, les deux bloqueuses, les deux groupe de bloqueuses n'ont pas le droit de s'éloigner l'une de l'autre. Qui est-ce qui décide de faire ça? Est-ce qu'elles peuvent pas simplement s'arrêter et empêcher les autres d'avancer? Ou est-ce que c'est l'équipe qui est devant et qui mène la danse? Certainement, parce que sinon les autres n'ont qu'à s'arrêter et puis voilà. Tu mèneras ta petite enquête et tu me diras ça lors du dernier match. Est-ce que tu as vu les bras levés de la jameuse de bobsleigh qui pourtant est passée seconde, est sortie du track et a fait un signe de la victoire? Elle refait un signe de la victoire. Elle repasse, elle a mis 4 points, elle s'amuse. C'est bien de s'amuser, de prendre du plaisir. On est à la fin du match, elle relâche un petit peu la pression. Et ça colle. On est à 4 partout. Est-ce qu'elle a mis 3 points de plus pour les Seagulls? On est à 16. Oui. Les Porcelain Dolls, elles ont mis 2 points. Donc les Porcelain Dolls qui avaient le lead pourtant, hein, qui a jamé, mais voilà, quand les deux jammeuses sont un peu trop proches, exactement. Il peut arriver que finalement celle qui a le lead mette moins de points que son adversaire. Et on va aller sur, a priori, le tout dernier jam. Ouais, il va rester 45 secondes. Donc, je pense que ça va être le tout dernier jam. Et donc, il va commencer tout de suite. C'est parti. Ça travaille un petit peu sur les deux tripodes. Ça a l'air de bloquer pour les deux équipes. C'est, Ah, ça a failli passer pour les Seagulls, donc qui s'est fait bloquer, qui se fait recycler. Recycler, oui, en face. C'est... Qu'est-ce qui se passe en face? Et ça va passer pour les Porcelain Dolls qui prennent un manque. Ouais. Oula. Et qui a fait une chute. C'est-à-dire qui est tombé toute seule, qui s'est. Voilà, parce que. Qui s'est ça pris les patins sur le track, quoi, parce que évidemment c'est des rollers. Oh, et qui a une deuxième fois. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Elle a peut-être un problème de patins. Ah, peut-être, ouais, peut-être, ouais. Parce que oui, elle a l'air d'avoir. Ah ouais, elle a clairement, clairement un problème de patin. Voilà, c'est sûrement des patins à roulettes, donc avec le tampon qui est devant. Et donc je pense qu'il y a un problème, peut-être qu'il se détache et du coup elle frotte trop facilement sur le track et donc elle chute. Il y a clairement un problème de patin. Ouais. Elles en profitent en face du problème de patin pour la recycler. Cela dit, il a toujours le lead. Elle peut arrêter quand le jam, le match, quand elle veut. C'est stellaire et ça y est, c'est terminé. C'est terminé. 198 à 81. Donc les 100 points d'écart qui ont été dépassés. Voilà, match. C'est les Porcelain Dolls qui sont devant. On a combien d'écart, Vicente, là? 117. Ouais, c'est ça. 117 points d'écart. Exactement. Sont donc les Porcelain Dolls qui sont devant. Les Seagulls, on attend quand même le score officiel. Voilà, parce qu'à la fin du match, les arbitres se concertent pour être bien sûr de n'avoir oublié aucun point ou de ne pas avoir mis trop de points à une des deux équipes. Et donc, on va attendre le score officiel avant de couper cette retransmission. Ça va, Bichente? Tu t'es amusé? Eh bien, ça va, je me suis bien amusé. Hein. Écoute. On te retrouve demain soir pour le dernier match. Quoi, c'est 17h45, je crois. 16h45, je crois. 16h45. Ouais. Voilà, nous on va se retrouver pour le match d'après. On sera avec Seb. Ça sera quoi, midi? J'ai plus ici. Ça sera à 13h exactement. Ça sera les Petites Morts de Bordeaux contre les Harpies Braqueuses. Un très bon, je crois que c'est les Petites Morts de Bordeaux, je crois que c'est les deuxièmes. Les Harpies Braqueuses, je crois que c'est les premières du classement. Donc gros match. Hein, oui. Manu Chupita, tu vas nous confirmer ça. Est-ce que. Qui sont les. Les Harpies Braqueuses en première? Et Bordeaux sont deuxième du classement, c'est bien ça? C'est ça, Marie Chupita qui est à côté de nous, qui nous confirme bien ça. Donc on risque de voir un match assez sympathique. Les deux vont se tirer la bourre et les deux équipes ont quand même un bon niveau. Donc on va voir ça avec. Je te dis pas pour qui je suis, mais. Ne dis pas. D'accord. Allez, c'est pour qui? D'après toi? Une équipe dans laquelle il y aurait une Satan, Belzébuth. Exactement, exactement, tu as tout compris. Score final, là, 200 points de pour les Porcelain Dolls. 81 points, donc 119 points d'écart entre les deux équipes. 200 points, c'est pas mal quand même. On arrive quand même à un score assez conséquent. Voilà, Michette, merci beaucoup. Mais merci à toi. Et on se retrouve demain, ouais. On se retrouve demain avec toi. Ouais. Et nous, on se retrouve, chers auditeurs et auditrices, à 13h avec Sébastien. Bon courage à vous pour les prochains matchs. Ouais. Il va falloir se casser un peu long. Vous pouvez nous suivre évidemment sur Radio No Culture, à l'antenne, sur DAPUS ou sur radionoculture.wordpress.com. Voilà, encore une fois, merci Bichente. À demain soir. Allez, à demain. Et vous, éditeurs, je vous dis à tout à l'heure, à 13h. Voilà, dans 3 petits quarts d'heure, on va prendre l'antenne un petit peu avant. Allez, à tout à l'heure. Ciao, ciao.